Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! On va faire ça chaque jour cette semaine. Ouais. 5 days a week, 9 days a week, 8 days a week. C'est quoi les Beatles? 8 days a week. 8 jours semaine. 8 jours semaine. Alors, on va faire une grosse pointe en dresse. C'est la chronique où on mange quelque chose acheté dans le commerce. Donc voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la grille dans laquelle on parcourt les rues des dépanneurs, les ruelles, les arrières-boutiques des épiceries et des dépanneurs, les endroits où il y a de la bouffe qui est un petit peu malsaine, si on veut. Hein. Mais tu es allé fouiller dans un container à vidange? Ça pourrait porter à croire ça. En fait, je vais te demander à chaque fois qu'on va faire ça cette semaine, parce qu'on va le faire comme je dis à tous les jours, si tu as une envie précise aujourd'hui de sucré ou de salé. Mais moi, c'est toujours sucré, donc tu peux pas me demander ça. On va y aller cette semaine en plus avec des produits que vous avez probablement eu envie d'acheter. Donc, on va y aller dans un petit peu plus mainstream qu'à l'habitude. Moins des produits hétéroclites et vraiment bizarres. Donc, si tu veux du sucré, je vais te présenter un produit que tu as probablement vu et que tu t'es peut-être même acheté. Espérons que non, bien sûr, parce que le but, c'est de goûter à des choses qu'on n'a pas goûté avant, hein, quand même. Donc, je vais plonger dans mon grand sac. As-tu un sac sucré et un sac salé? J'ai le même sac, mais les formes sont différentes des articles à l'intérieur du sac. Tu comprends? Okay. Voilà. Donc, c'est ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans cette chronique-ci et j'attendais avec fébrilité que ça arrive et je suis tombé dessus cette semaine à l'épicerie locale. C'est les nouveaux Reese's Snacksters! Ah oui! As-tu vu? C'est oui, j'ai vu. Le même principe que le Nutella avec les petits bretzels, sauf qu'à la place, c'est une tartinade au chocolat d'arachide avec bâtonnet Graham. Cool. Ça a l'air cool, hein? Et juste parce que je sais que ça pourrait être ton genre de saveur, je t'en ai amené un juste pour toi. Oh, t'es fin! Oh, wow, c'est beau! Ça fait plaisir! Hey, mais c'est beau, hein? Mais hein, c'est beau. Donc, c'est les Reese's Snacksters. Comme je disais, le même principe que le Nutella. Donc, on peut tremper quelque chose dans quelque chose et on va voir si ça goûte vraiment ce que c'est supposé goûter. On connaît tous la saveur Reese's. Tu peux pas l'imiter. T'as vu, t'as beau essayer, tu réussiras jamais à le faire pareil. C'est pas ça leur slogan, ben presque. Je sais pas. Mais c'est ça qu'ils prônent. Oui, que c'est la seule vraie sorte de beurre d'arachide de chocolat. Et justement, ben celui-là est fait par Reese, donc ça a pas le choix d'être la bonne saveur. C'est un produit de Hershey Canada, qu'on aime ou qu'on déteste. Ça dépend vraiment de leur produit Hershey. C'est étrange à quel point ils peuvent faire des bonnes choses et des choses dégueulasses. Dégueulasses étant les Kisses. Voilà. Délicieux étant pas mal le reste, je pense. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Je remarque pas vraiment les... Les compagnies, hein. Non. Ouais, non, je te comprends là-dessus. Donc, c'est marqué de ne pas mettre au réfrigérateur. Donc, c'est supposé où de manger ça? Chaud sur le côté. Et c'est aussi écrit de ne pas mettre au micro-ondes. J'imagine ben là, parce que le contenant. Ouais, le contenant de plastique est. Faut le manger de température pièce. Ingrédients, bon, évidemment, ça commence par du sucre, des arachides. Donc, ça commence bien quand même. Farine de blé, huile de tournesol et un paquet d'autres alternatives au sucre. Moi, ce qui m'a surpris de l'emballage, Steph, c'est que le bas, habituellement, quand on te vend un produit. Avec une certaine fausse représentation. Tu sais, souvent, ils vont, mettons, parce que t'as vu en dessous du contenant, t'as un... Ouais, il y a un trou. Un trou pour te montrer que le contenant à Reese, le mélange de Reese, est beaucoup moins profond que la hauteur du contenant. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait mis une fausse fin au bocal, au contenant. Mais non, il te montre le fait que le contenant est vide de son intérieur. Donc, il y a seulement la moitié de la hauteur qui est de la garniture Reese et la hauteur complète qui est des bâtonnets Graham. Ça me surprend d'eux. Mais c'est correct. Oui, ça coûte moins cher de plastique aussi pour eux autres, j'imagine. Fait qu'ils font plus de profit. C'est quand même je pense qu'il était en spécial à comme genre 1,19. C'est genre dans le coin de 1,50, les Reese's. Snacksters. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, Steph. Non, c'est une petite boîte rectangulaire, orange et jaune, avec un dessin de ce que ça va avoir l'air une fois que tu vas l'avoir ouvert et que les bâtons vont se propulser à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ressortent du contenant alors que clairement ils sont dans le contenant en vrai. Là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pousse en dessous. Peut-être. Ça se peut, ça. Donc, on va être prêt à ouvrir ce dessus d'aluminium dans le micro magique de ces fous brevets en instance. C'est les Reese Snacksters Tartinade. Ouh. Oh, que ça s'ouvre bien. Oui, le petit là, aluminium. Il me reste un petit peu de chocolat au beurre d'arachide sur le... Va falloir licher le papier d'aluminium, ça. Blablabla. Blablabla. Mmh. Hein? Oh, ça commence bien, je pense. Mais ça goûte le Reese fondu. C'est magnifique. Ça goûte vraiment parfaitement le Reese, là. Ah, ça, c'est ce qu'on veut entendre, je pense. C'est ce qu'on veut entendre. Je vais ouvrir le mien aussi. Ah, c'est long, dépêche-toi. Excuse-moi. Il y a t'as combien de bâtonnets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, j'en ai 8! Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voyons! Je gagne! T'es pour vrai? Comment ça t'en as 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. J'avais aussi la tache de chocolat sur l'emballage d'aluminium. Donc, je sais pas si c'est fait pour que t'aies quelque chose à licher. Ils ont vraiment planifié ça à l'usine. Ils mettent une crotte sur le couvert. Mais c'est moi, comme la noix sur le bord de peanut. Le tourbillon dans la margarine. Ouais, aussi. Mais moi, je suis vraiment frustrée parce que j'ai seulement 8 bâtonnets. Veux-tu la moitié d'un de mes bâtonnets? Mais c'est parce que moi, je me demande, est-ce que j'ai réellement 51 grammes à l'intérieur? Oh, j'avoue, hein, ils se sont trompés dans quelque chose. Peut-être que j'ai plus de chocolat. Peut-être que mes bâtonnets sont plus gros. J'ai des doutes. Est-ce que ça alterne 8-9-8-9 dans les contenants ou c'est moi, j'ai une erreur? Toi, t'as une erreur? Je suis vraiment curieuse. On est obligé d'aller s'en acheter d'autres! Ah! Peut-être que les numéros de série pairs ont 8 bâtons, puis les numéros de série impairs ont 9 bâtons. On sait pas, là. Sais-tu ce qu'on pourrait faire? Ouais. On écrit à Reese. Ouais. On à Reese Witherspoon, ah oui, non. Ouais. On écrit que moi, j'ai eu un bâtonnet de moins. Je comprends pas pourquoi. Je veux des coupons pour des Reese gratis. J'avoue. Mais avoue que leur campagne aurait été parfaite s'ils avaient fourni une cuillère avec, puis qu'ils avaient vraiment eu comme mascotte Reese Witherspoon. Ça a été parfait comme... Je sais pas, là. Il aurait peut-être poussé la chance un peu. C'était un peu kitsch. Mais tu sais, pour te dire que quand j'ai acheté ça, j'étais avec une de mes amies qui était très jalouse de ne pas l'avoir et j'ai failli lui en donner un. Donc, t'es bien chanceuse d'avoir pu garder ton... T'avais juste en acheté 3. Ben, c'est ça, j'aurais dû faire. Donc, est-ce qu'on goûte... ça sent autant le beurre de peanut et le chocolat que les biscuits Graham, je trouve. Ça sent vraiment pas mal, le biscuit Graham. Je trouve que ça sent bon, moi, les biscuits Graham. Ça sent vraiment bon. Donc, on va en essayer un. On va s'éloigner de tous appareils électroniques pour goûter à ces Reese's. Pardon, il n'y a pas le S's, c'est le Reese. Mais de toute façon, ça coule pas, là. Non, je sais, mais les biscuits Graham pourraient se casser en deux. C'est quand même assez consistant. Ouais, quand même. Faut plonger vraiment violemment le Graham dedans. Et on croque. C'est la perfection sur Terre. Ça goûte les bon. Ça goûte les croques en cannelle là, bâton Graham. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Mm-hmm. Ça goûte quasiment la cannelle. Je sais pas pourquoi là, mais je trouve que idée. Oui. Ça reste super bon. C'est parmi les affaires que je trouve les plus délicieuses de ma vie. J'ai besoin d'une caisse de ça. Et maintenant. Mais toi, t'as un bâton de plus. Oui. J'ai jamais goûté à celui au Nutella. Donc, je sais pas si c'est une différence. Non, moi non plus. Mais ça doit goûter Nutella. Ben, je mange du Nutella assez fréquemment. Mais moi, j'aime tellement le beurre d'arachide mélangé avec le chocolat. C'est juste parfait. Est-ce que c'est la même chose que moi? Moi, je me fais la fin de semaine. Hein? Je vous donne ma technique. Si vous voulez la copier, vous avez le droit. Là. Vous allez me remercier plus tard. Mais ça me fait 4 toasts. Okay? Je me fais 2 toasts à margarine. Okay? Et je fais une toast au beurre de pin. Puis une toast au Nutella. Okay. Puis là, je varie, je fais margarine, Nutella, beurre pin, nanana, et à la fin, quand il me reste deux parties, une partie de la moitié de Nutella et la moitié de beurre pin, j'ai smoosh ensemble, j'y mange, puis après ça, je finis avec une margarine pour finir sur un goût de salé, ben j'aime ça finir sur du salé. Je trouve que c'est la solution parfaite à mon déjeuner de samedi matin. C'est parfait, c'est génial. Bizarre. Ah, c'est bon. Margarine, c'est tellement un goût que je déteste déjà. C'est de la margarine à l'huile d'olive. Je déteste quand même le goût de la margarine. Je trouve très bon. Du beurre, ça peut aller. Une toast de pain de ménage avec du beurre. Ah, le pain de ménage, en général, tu peux me le donner cru. Tu peux me le donner en prison, une tranche de pain de ménage. Puis je vais être comme, OK, quel crime veux-tu que je commette? Voilà, les Reese Snacksters. C'est du gagnant sur toute la ligne. Mais, on dirait que je suis pas sûr de la petite saveur du bâton. Ah, non, je le trouve cannélisé, j'aime ça. Mais justement, non, je trouve que ça ne s'affite pas avec le petit cannelle. Ça reste super bon, mais le bâton, c'est clairement juste une raison pour manger du chocolat. Ouais. Je le prendrais si c'était un bretzel aussi. Ça serait cool, un bretzel. Ouais. Bonne idée. Donc, là, on n'a pas énormément de temps pour faire des nouvelles de fast-food, mais faisons-en quelques-unes quand même. Pour les fans de nourriture japonaise, la nourriture, bon, ça peut être des fois du poisson, du wasabi, n'importe quoi. Ici, c'est le Dam Curry, disponible comme attraction touristique autour du pays. Et pourquoi Dam Curry? Dam, un peu comme tu sais, là, ce qui empêche l'eau de couler, les castors, le barrage, ouais. Bien sûr. Donc, c'est du curry d'un côté, avec un gros barrage de riz dans le milieu, au centre, donc, qui sépare le reste de la nourriture. Ce qui fait vraiment un mur, ce qui fait que les deux saveurs ne se mélangeront pas. Tu sais, comme du beurre de pinot puis du Nutella ensemble, ça se mélange. Mais du curry, des fois, c'est un genre de ragoût de boulette, ou je ne sais pas trop quoi, que l'autre côté. Tu peux ne pas vouloir mélanger ça. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un barrage de riz qui est là pour attirer les touristes dans des restaurants. Je trouve que l'idée est quand même bonne. Cool. Surtout que le riz japonais est très, très collant. Est bien ensemble et empêche par exemple vos croquettes de poulet dans de la soupe. C'est vraiment bizarre les repas des fois. Hein? C'est vraiment, je pense, des croquettes de poulet dans de la soupe ou de navet, je sais pas quoi, ou aux épinards. Et l'autre côté, c'est une soupe genre thaïlandaise avec des carottes et du curry de l'autre côté. Évidemment, ça s'appelle Dam Curry. Il faut avoir du curry là-dedans. Du curry. Je dis tout le temps du curry sans faire exprès. C'est du curry. Ensuite, ça s'appelle le Gluten Free Museum. C'est un site web, c'est un Tumblr, en fait, glutenimage.tumblr.com, où on prend des œuvres d'art où il y avait de la nourriture et on enlève les ingrédients qui ont du gluten dedans. Donc, par exemple, c'est une œuvre de Daniel Spoerry ou encore une œuvre de Ridley Scott. Ça peut être une introduction de film ou dans le film de Ridley Scott où il était dans un champ de blé, le personnage, donc on a enlevé le champ de blé, on l'a remplacé par autre chose. Une œuvre de Édouard Manet où on remplace des pâtisseries, je crois, d'ici je vois des pâtisseries par d'autres choses. Une œuvre de Wayne Thibault où on enlève une pointe de gâteau. Il reste juste assis. La farine sans gluten. Là, c'est un petit garçon dans une œuvre de Willie Ronis où il tient une baguette de pain dans ses bras. Donc, dans le remake, il y a juste rien, il fait juste courir. C'est quand même cocasse. Donc, glutenimage.tumblr.com. Justement, tu sais, parlant de gluten et de causes alimentaires, c'est Ikea qui commence à servir des boules de viande, mais végétaliennes, dans ses magasins. Plutôt cette année, Ikea avait annoncé qu'ils allaient commencer à servir de la nourriture végétalienne, les versions végétaliennes de leurs boules de viande suédoises, donc dans les restaurants. Et c'est maintenant fait, donc c'est l'option végétalienne Grönkesal Bullar, ce qui veut dire donc boule sans viande. Pendant que tu magasines pour des tables ou meubles Hector, c'est Krangstas, il faut que tu te prennes des grands sacs boulard. Donc, au lancement, c'est boules végétales. Peut-être acheter dans les restaurants Ikea à 4,49$ américains pour 10. Ce ne sera pas disponible pour l'instant en produits congelés. En passant, si vous avez jamais acheté des boules de viande congelées d'Ikea, ben, Caroline, profitez-en parce que c'est vraiment très, très bon. Tant qu'à y aller. Ça s'en vient ça en juin pour emporter. Donc ça va être en version boule de viande au poulet dorénavant et boule de viande végétalienne. Et voilà, donc un goût de la Suède à des prix abordables et l'aspect de la nourriture qui intéresse les gens, la santé et tout ça. Donc allez voir l'article pour en savoir attention, plus. Attention, végétalien ne veut pas dire santé. Non, en effet, tout à fait. C'est vrai. C'est une boule de légumes, si t'envoies ça dans la friteuse, c'est pas santé. Vrai? Les pizzas tacos maintenant. Tiens, on a déjà parlé de ce blog-là, O'Bite. C'est Amy chez O'Bite qui nous suggère encore une autre recette qui va être bonne dans la bouche. Hein. Cette fois-ci, c'est des pizzas tacos. Donc, on a besoin, c'est des petites pizzas congelées, de l'huile, une poêle pour faire frire le tout et peut-être même de la sauce marinara ou ranch pour tremper le tout. Ouf. Oh, ça a l'air bon, ça, n'est-ce pas? Petite recette qui est disponible sur assemblagerequis.com. Je ne pas ta cause. Non! Ah, ben, Colin, je ne vais pas appuyer ta cause. Je vais continuer encore un petit peu. Une autre recette, tu sais. C'est pour des céréales Pop-Tart qui existent. C'est donc une recette, ouais, pour des Pop-Tart céréales. Les détails sont. C'est les détails. Aucun détail dans l'article. Aucun détail. On va aller sur bustle.com qui nous passe cet article-là pour en savoir plus un minimum. Donc, oui, c'est ça. OK, donc, pourquoi pas des Pop-Tarts dans un bol de Cheerios. C'est sur Instagram qu'on parle de ça, cette recette-là. Est-ce qu'il y a aucun détail sur la recette? OK, c'était après l'image. Donc, pour les Pop-Tarts, c'est des Pop-Tarts faites maison. Donc, deux tasses et quart de farine, un quart de tasse de sucre granulé, deux jaunes d'œufs, une tasse de beurre, une pincée de sel et de l'eau. Et là, après ça, il y a des ingrédients pour ce qu'il y a à l'intérieur, la garniture. Après ça, le glaçage. Tout est optionnel. Et on vous montre comment faire ces petites versions de Pop-Tarts. Et ensuite, on peut les mettre dans du lait, dans un bol. Donc, la recette est sur assemblagerequis.com. Pour ceux qui cherchent, qui écoutent une rediffusion ou un meilleur moment, ou peu importe, c'est dans l'émission numéro 850 que vous allez trouver la recette. Parce qu'on la veut pour vrai, là. Celle-là, je pense que t'as pas le choix. Pas le choix. Ensuite, tiens, c'est un petit peu du marketing ici, mais c'est Coca-Cola, on va terminer là-dessus. Mais c'était le Final Four récemment du tournoi de basketball de la NCAA. Et Coca-Cola a montré donc un panneau qui satisfait les envies des gens en donnant du breuvage directement à l'endroit où est située la pancarte. Donc, c'était au White River State Park de Indianapolis. Coke Zero commanditait un concert et à quelques blocs du Lucas Oil Stadium où la partie de basket était jouée. Donc, le panneau 26 par 36 pieds utilisait 4500 pieds de tubes, de tuyaux, pour pomper des échantillons de Coke Zero au public assoiffé en dessous. Donc, évidemment, on essaie de vendre Coke Zero comme alternative au Coke et comme alternative au Pepsi pour ceux qui boivent ça. La compagnie dit vouloir pousser Coke Zero parce que plusieurs gens pensent connaître le goût de Coke Zero, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Drinkable advertising, qu'on appelle, une façon d'enlever la barrière entre la publicité et l'achat du produit en vous faisant goûter à même la publicité. C'est du génie, comme toujours chez Coke. Ils ont le budget pour trouver des bonnes idées. Ouais, c'est ça. C'est le Apple de la liqueur. Donc voilà pour une grosse pointe en adresse. C'est ça. Les liens sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 850. Voilà. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On se lève, on déjeune, puis on mange du bacon, c'est ça? Vous êtes bien dans le dîner de con, hein? Si on parle bacon, c'est parce qu'on est bien dans le dîner de con. Je vous envoie ici 5 façons de camper, hein, aller faire du camping, tout en profitant de son bacon. Ben oui, le camping consiste à laisser derrière soi plusieurs commodités indispensables de la vie moderne, comme l'enregistreur numérique ou Twitter ou Facebook, hein? Mais ce n'est quand même pas une raison suffisante pour se priver de bacon. Voici donc 5 façons de profiter de cet aliment essentiel tout en renouant avec la nature. Donc, en kit de secours, ben oui, du tactical bacon, aussi important sinon plus qu'une trousse de premiers soins, aucun homme qui se respecte ne voudra quitter la ville et se retrouver à des dizaines et des dizaines de kilomètres de toute civilisation sans avoir visité le site web de la Royal Bacon Company qui offre des kits de survie, dont des conserves de bacon tactiques pré-cuits, hein, d'une durée de vie de 10 ans. En plus, il y a une mitraillette sur l'étiquette. Hein, le tactical bacon. Comme ça, il vous en manquera jamais. Combien qu'il y en a? 9 onces de bacon qui va se conserver pendant 10 ans. Sinon, autour du feu, eh bien, oubliez les guimauves qui goûtent vraiment mauvais avec la bière et qui attirent probablement trop les maringouins pour un vrai snack d'adulte, hein? Enfilez quelques tranches de bacon au bout d'une branche et faites-les griller au-dessus d'un feu de camp. Comme la graisse coulera dans les cendres, vous pourrez déguster un bacon maigre et croustillant avec en prime un léger goût de bois fumé. Ben aussi, si vous avez un barbecue, moi je fais souvent mon bacon sur le barbecue. Ça fait de la boucane, mais ça donne un résultat hallucinant. Des petits coins croustillants, des petits coins mous, c'est ce qu'on veut. Wow! Sérieusement, j'ai faim. Sinon, le on the rock, hein, la poêle ne sert pas seulement d'arme contre les ours ou les campeurs ivres qui se trompent de tente. On peut l'utiliser aussi pour cuire le bacon. Une poêle, on comprend. Toutefois, si vous avez oublié d'en apporter une et si vous souhaitez renouer avec vos ancêtres, eh bien, lavez une belle roche plate, étendez-y vos tranches de bacon et placez-la dans les braises pour une saveur digne du bacon de l'âge de pierre. Et ça, c'est sûr que ça aussi, c'est extraordinaire, du bacon on the rock. Sinon, autre truc, l'affaire est dans le sac, c'est le bon vieux sac brun qui possède plus d'un tour dans son sac. Aha! Il suffit de frotter quelques morceaux de bacon à l'intérieur d'un sac de papier brun, d'y placer son bacon et d'ajouter un œuf sans sa coquille, bien sûr, de préférence. Mais bon, Tous les goûts sont dans la nature. La graisse empêchera le sac de s'enflammer et en quelques minutes, vous aurez un petit déjeuner minute nécessitant aucune vaisselle. Mais on le met où, le sac? Hein? On ne nous le dit pas. Mais il y a une vidéo qui nous explique tout ça. Je vais partir la vidéo pendant ce temps-là. Je vais vous faire quelques autres trucs, là. Attends un peu, je regarde ça. Le sac brun. Il fait juste le tenir au-dessus, toi. Ben oui. Il fait juste tenir son sac au-dessus de la flamme. Il nous montre vraiment son truc. En tout cas, allez voir ça. Un vrai truc de camping pour les amateurs de bacon et d'œufs. Donc, un bacon and egg. Ça prend vraiment juste un sac brun, une branche. On met le bacon et les œufs dans le sac brun qui a été bien graissé de bacon. Et puis, on s'amuse avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui, elle ressort ça, toi, la fille. Puis, elle a un super déjeuner préparé dans un sac brun. Sinon, le fruit style... Eh bien oui, si vous ne campez pas seul, il y a bien des chances qu'un obsédé de l'alimentation santé, comme votre copine, hein, ait gaspillé de l'espace en apportant des fruits. Eh bien, si vous trouvez une orange, tout n'est pas perdu. Ouvrez-le dessus, videz-la de son contenu, glissez-y du bacon et le contenu d'un œuf. Refermez cette orange avec un cure-dent et mettez l'orange dans les braises pour un déjeuner rustique aux accents fruités. Ça, par exemple, c'est un excellent truc, vraiment. Moi, il y en a sur cinq, il y a cinq façons. Ben, il y en a au moins deux que j'ai déjà utilisées, puis les trois autres, ben, ça va être à venir, c'est sûr. Attends un peu, on va aller vers une autre nouvelle qui a. Est-ce que ça a rapport avec la nourriture aussi? Ben, tiens, oui, ici, le Artex. Artex, c'est quoi? Le Artex Gastronomie. C'est l'événement gastronomique à ne pas manquer. Épicurien, gastronome et amateur de bon vin, joignez-vous à nous et aux jeunes de la relève de l'ITHQ, oui, pour une soirée gastronomique hors de l'ordinaire organisée par la Brigade des jeunes gastronomes au profit de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ça a lieu le vendredi 8 mai prochain. L'événement Artex ou Artex Gastronomie, qui a pour porte-parole nul autre que le grand chef Normand Laprise, vise à mettre en valeur le talent culinaire de nos chefs en devenir tout en célébrant les arts visuels et l'art de la table. Au programme, eh bien, bulles et hors-d'œuvre suivis d'un menu gastronomique de 5 services en accord mets et vins, le tout créé et réalisé par des étudiants du programme de formation supérieure en cuisine de l'ITHQ, hein, c'est l'Institut d'hôtellerie du Québec. La soirée s'achèvera sur le rythme de la musique du DJ Buck Smith, que je ne connais guère. Également au programme, l'encan silencieux et la possibilité de gagner 2 billets aller-retour Montréal-Londres sur les ailes d'Air Canada. Au Québec, notre façon de recevoir et de partager un repas reflète notre identité. L'ITHQ, oui, déjà reconnue comme la plus importante école de gestion hôtelière au Canada, souhaite promouvoir ce patrimoine et aspire à devenir le chef de file de la formation et de la recherche en gastronomie, en gestion touristique et hôtelière en Amérique, ainsi qu'à faire partie de l'élite mondiale. La Brigade des jeunes gastronomes est un regroupement de jeunes professionnels issus du milieu des affaires et de l'agglomération montréalaise qui partagent une véritable passion pour tout ce qui est attrait à l'art de vivre, hein? Les foodies et la bonne chair, la bonne vie, particulièrement les plaisirs de la fête et de la table, ainsi que pour une gastronomie renouvelée. Ses membres souhaitant contribuer au rayonnement de la fondation de l'ITHQ à travers leur engagement, soutenir ce dernier à titre de référence en matière de formation spécialisée en tourisme, en hôtellerie et en restauration. Donc, ça a lieu le vendredi 8 mai 2015 à l'entrepôt Dominion au 3968 rue Saint-Ambroise à Montréal. Et le coût, c'est 260$ par personne. Mais c'est, vous avez vu, là, c'est de la haute gastronomie et puis c'est pour ramasser de l'argent. Alors, si ça vous intéresse, allez voir ça. On nous montre aussi, disons que vous allez être très, très gâtés côté menu. Vous allez vraiment recevoir le meilleur du food, le meilleur de la bouffe en ce moment, de ce qui se fait au Québec. Sinon, dans un petit pourquoi du comment ici, Pourquoi faut-il prendre une douche avant de sauter dans une piscine? Eh bien, dans les piscines publiques intérieures, des affiches rappellent aux baigneurs qu'ils doivent se doucher avant de plonger. C'est un geste essentiel, même si vous avez pris votre douche le matin même. C'est une question de santé pour vous et pour tous ceux qui respirent l'air de la piscine. Mais pourquoi donc, au juste, les piscines sont désinfectées avec du chlore et au contact des matières organiques présentes sur votre peau et vos cheveux, le corps réagit pour former des composés nocifs? Certains de ces sous-produits de désinfection sont très volatiles et peuvent irriter les voies respiratoires. C'est le cas pour les chloramines qui donnent à l'air des piscines cette odeur de chlore si caractéristique. La désinfection par le chlore produit également des trihalométhanes, une autre classe de composés nocifs. À l'heure actuelle, il n'existe aucune norme pour contrôler la présence de ces produits indésirables dans les piscines intérieures, sauf dans quelques pays d'Europe. Au terme d'une étude réalisée dans 41 piscines intérieures de Québec et de Montréal, des chercheurs ont constaté que les taux de chloramine dépassaient la norme en vigueur. En France, dans près du tiers des piscines, pour les trihalométhanes, les taux mesurés excédaient presque toujours les normes adoptées par plusieurs pays d'Europe. Pour ce qui est des trihalométhanes, la plupart des piscines où nous sommes allés avaient des teneurs supérieures aux normes en vigueur en Suisse, au Danemark ou même en Allemagne. Pour les chloramines, eh bien, à peu près un tiers des piscines montraient des valeurs supérieures à la norme française. Ça, c'est Robert Tardif, toxicologue à l'Université de Montréal, qui nous dit ça. Pour ceux et celles qui passent de nombreuses heures dans les bassins intérieurs, cette contamination pose un risque réel pour la santé. En France, l'asthme est d'ailleurs reconnu comme une maladie professionnelle pour les sauveteurs. Au Québec, l'Institut national de la santé publique complète présentement une vaste étude auprès de 800 sauveteurs et les résultats sont attendus à l'automne prochain. Les nageurs d'élite comptent également parmi la population à risque. La prévalence d'asthme est d'ailleurs plus élevée chez ces athlètes. C'est ce qu'a constaté le pneumologue Louis-Philippe Boulet de l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Il associe ce phénomène à la présence de chloramine dans l'air. Et que dire des nageurs récréatifs et de tous ces enfants qui s'initient à la natation en bassin intérieur? Les risques sont minimes par rapport aux bénéfices associés à l'activité physique, selon le docteur Louis-Philippe Boulet. Alors, faut faire attention, mais c'est surtout ceux qui sont vraiment des maniaques et qui sont là, genre, tout le temps. C'est un peu ça. Ici, petits conseils pour en mettre plein la gueule et plein la vue à vos amis sur Facebook. C'est des petits conseils comme ça. Premièrement, ne pas poster trop souvent. Certaines personnes publient comme si elles respirent. Avides de tout partager, elles n'ont aucun scrupule à squatter leurs écrans de leurs amis pour annoncer qu'elles ont pris le métro en position debout et trouver de la mie de pain sur leur tartine. Allez-y plutôt mollo sur le clavier. Si vos publications sont banales et sans intérêt, tout le monde en déduira que votre vie est banale et sans intérêt, ce qui est peut-être vrai, mais évitez donc de le crier sur les toits. Attention cependant, il faut avoir, comme en politique, un minimum de présence pour occuper les esprits. Bref, trouver un savant dosage de quantité et de qualité que je modéliserai ici. Et là, il y a un petit tableau pour vous expliquer tout ça. Autre truc, ne jamais écrire quand on a le cafard. Quand on n'est pas de bonne humeur, journée de merde, corde ou poison. Regardez-moi cette belle tumeur, je viens de voir Joséphine, ange gardien. Quand votre vie patine, tenez-vous à distance de tout réseau social. Celui-ci a pour seule utilité de faire croire qu'on a une vie exceptionnelle et ce n'est pas pour bousiller la vitrine au premier coup de bambou. Donc, si ça va pas bien, laissez donc faire Facebook et Twitter. La ponctuation, eh bien, c'est zéro. Dans vos publications, limitez la quantité de ponctuation en fin de phrase. C'est les vacances avec 18 points d'exclamation. Produit, vous en conviendrez, un effet 7 fois moins cool et détaché que c'est les vacances. Idem pour les points de suspension. Voici dans un article très intéressant. On entend quelque chose du genre, vous allez voir, attention, attention, ou le oh là là. Tandis qu'un simple à lire vous donne une hauteur et une maestria inattaquables. Ponctuation au minimum. Et même, moi, je prends les trucs aussi. Là-dedans, il y a tout le temps des choses que vous avez déjà faites ou que vous allez faire. On n'essaie pas de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est les petits conseils peut-être pour être plus intéressants sur vos réseaux sociaux. Ne pas publier de photos de soi avec un chat. Il n'y a pas de meilleure méthode pour donner l'impression d'être seul et abandonné, à moins que cela soit votre but. Mais ça, non, jamais. Exploitez le talent des autres. Hein. Si vous manquez d'inspiration, relayez les articles et les vidéos des personnes les plus intéressantes que vous. Seul impératif, être dans les premiers à dénicher la pépite pour avoir l'air dans le coup. Évitez d'être le 3 457 millionième à publier la même photo qu'on a vue depuis une semaine. Nargué, mais avec tac. Facebook est l'outil de frime par excellence. Hein? Les trolls sont là exprès pour vous faire chier. Mais tout le concept est de savoir frimer sans avoir l'air de frimer. Hein? Tempérez votre fierté. Si vous arrive, par exemple, une chose géniale et que vous avez envie d'annoncer, ne le faites pas sous l'émotion de l'instant. Laissez retomber, puis écrivez en vous mettant dans l'idée que des choses géniales comme celle-là, il vous en arrive à toutes les deux heures. Quand le texte est bien pensé, et bien, glissez-y une ou deux fautes de typo pour faire croire qu'il a été écrit spontanément. Dîner chez Patrick Bruel ce soir avec Carla Bruni et Roger Federer. C'était sympa. Hein? Alors, c'était les petits trucs comme ça. Donc, pour savoir être peut-être plus heureux sur Facebook, parce que, tu sais, peut-être que non. Hein? Mais c'est les conseils vraiment pour en mettre plein la gueule à vos amis. Comme ça, vous allez avoir l'air d'avoir une vie superbement intéressante. Attaché en bas de cet article, ce qui est intéressant, il y a les 10 commandements de Facebook. On va les faire sans expliquer, je les donne. Attendez-vous à une réponse, hein? Bien sûr. Autre commandement de Facebook, pas de manque de respect. Réfléchissez avant de publier. Ne republiez pas. Agissez pas comme un étranger. Ça, c'est les commandements de Facebook. Soyez honnête. Ne soyez pas accro. Protégez-vous. Gardez ça professionnel. Pensez au boulot. C'était les 10 commandements de Facebook. Ici, 6 gadgets pour le jardinage. Hein? Ben oui, c'est le temps, là, en plus. La saison de jardinage est amorcée et vous avez peut-être déjà commencé à préparer vos petites plantes, vos petits semis, etc. Moi, je vous donne ici les 6 gadgets pour le jardinage pour cet été. Premièrement, l'ensemble de départ Gardena. Les accessoires Gardena sont vraiment géniaux. Une fois installés, plus besoin d'aller fermer l'eau pour changer l'embout ou pour brancher ou débrancher un tuyau. Lorsqu'un accessoire ou un tuyau est détaché, la pression est immédiatement coupée grâce à un système ingénieux. Il existe une panoplie d'accessoires comme le séparateur en Y ou une minuterie d'arrosage. Les produits Gardena sont disponibles chez Rona, Kensenthaler et autres centres de jardinage. L'ensemble de départ vaut environ 32$. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, autre gadget à avoir pour le jardinage cet été, eh bien, un arrosoir à détection de mouvement. Hein, si des oiseaux viennent manger vos semences ou des animaux viennent manger vos récoltes ou ravager vos plates-bandes, il est temps d'installer un arrosoir à détection de mouvement. Vous verrez, c'est assez efficace, mais n'oubliez pas de l'éteindre avant d'aller vous occuper de votre jardin. Disponible sur le site de levalley.com pour 79$. Sinon, distributeur d'eau pour racines profondes. Hein, l'idéal pour arroser des tomates et autres plantes à racines profondes ou pour vous donner un coup de pouce dans votre arrosage lors des longs week-ends est un distributeur d'eau pour racines profondes. C'est un petit gadget pratique. Vous n'avez qu'à visser une bouteille de boisson gazeuse du genre 2 litres là, en plastique. Et le système libérera goutte à goutte la quantité d'eau nécessaire directement au niveau des racines. Autre petit truc, eh bien, le Garden Watch Cam de Brino. Amateur de photographie, vous jubilerez en découvrant cet appareil. Il s'agit là d'un outil pour filmer des time-lapse ou de la photographie en accéléré, histoire de voir vos plantes pousser sous vos yeux en quelques secondes à peine. Des modèles HD sont aussi disponibles, le Time-lapse Cam TLC 100 et le TLC 200. Disponible à partir de $160 sur le site officiel. J'avoue que ça, c'est génial, mais ça donne pas tout le temps des qualités de photos très, très extraordinaires. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Mais les modèles HD, ça, ben, ça serait peut-être à aller vérifier, là, à contrôler, voir si la qualité est bien. Sinon, ici, assez intéressant, moi, j'en aurais besoin, parce qu'il y en a beaucoup chez nous, un chasse-taupe à énergie solaire. Ben, il ne me dérange pas tant, par exemple, mais ça fait des beaux trous partout. Si votre jardin reçoit régulièrement la visite d'une taupe, marmotte ou autre animal nuisible du genre, procurez-vous ce chasse-taupe à énergie solaire. L'appareil se charge durant le jour et émet une fréquence de son la nuit qui éloignera ces petites bêtes. Plus besoin de pièges, de poisons ou d'autres solutions pas toujours efficaces ou même plutôt dangereuse, disponible à 25$. Ça, je trouve ça vraiment une bonne idée. 25$ pour moins de taupe dans votre coin. Et ici, dernier petit truc, semelle d'aération de sol. Eh bien oui, joignez l'utile à agréable en portant ces semelles qui permettra une meilleure aération du sol simplement en marchant et en vaquant à vos occupations autour du jardin. Attention à ne pas transpercer l'orteil du voisin. C'est cleanairgardening.com. C'est disponible à 25$. Finalement, c'est des sandales avec des clous de à peu près 2-3 pouces sous la sandale. C'était les 6 gadgets pour le jardinage là, qui s'en vient. Ça va être le temps de s'occuper de nos plantes. Et sinon, ici, 10 scènes de films sexy qui vous feront fantasmer. On va pas mal se quitter avec ça, je pense. Hein? On y va-tu avec ça? Non, tiens, on fera ça demain. On va prendre le temps de le faire. Et puis, pour l'instant, tiens, on va se faire une pièce, une deuxième pièce des 1001 chansons à avoir entendues dans sa vie. Ben oui, on y va. Donc, on y va avec quelle pièce on se transporte? On était en 1970, comme tantôt, avec la pièce Layla de Derek and the Dominoes. Eric Clapton, finalement. Donc, là, on y va avec la pièce War Pig de Black Sabbath. Hein? On est dans des grosses, grosses pièces. Pour la petite histoire, eh bien, pluie, tonnerre et glas servaient d'introduction au premier album de Black Sabbath. Sorti 7 mois plus tard, le deuxième album n'apportait aucun répit à quiconque était parvenu à survivre au précédent. Les sirènes d'alerte aérienne du titre d'ouverture laissaient penser à ce nouvel univers qui était encore pire. La chanson s'intitule « War Pig hein, » et demeure en dépit de celle qui donne son titre à l'album « Paranoid », le morceau emblématique du groupe. Écrit en protestation contre la guerre du Vietnam, « War Pig » devait donner son nom au disque, mais cette idée a été écartée par la production. La version originale, Walpurgis, dans les démos, parlait du corps brûlant dans des cendres rouges ou encore... mais c'est Walpurgis, hein? Une fête païenne, ça. Donc, il parlait de corps brûlants dans des centres rouges ou encore de pêcheurs dévorant des entrailles de rats. Charmant programme, hein? Craignant de passer pour des adorateurs de Satan aux yeux d'une partie de son public, Black Sabbath a retravaillé les paroles évoquant par mégarde l'horreur et la désillusion de l'instant. « Nous ignorons tout du Vietnam », déclare Ozzy. « C'était juste une chanson contre la guerre. Le monde est complètement bordélique », grommela de son côté le bassiste et principal auteur des textes, Geezer Butler. Une structure pleine d'imagination venait compléter les paroles évocatrices. Après une introduction d'une lenteur infinie, on peut entendre le vagissement distinctif d'Ozzy, le riff insidieux de Tommy Iommi et la section rythmique quasi-jazzy de Butler et du batteur Bill Ward. On tenait là un modèle pour 2 décennies de heavy metal. Hein? C'est génial. Les auteurs de War Pig, eh bien, c'est M. Iommi, M. Ward, M. Butler et M. Osborne. La production, c'était Roger Bain. Le label, c'était sous Vertigo. Et l'album qui contenait cet excellent chef-d'œuvre, eh bien, c'était Paranoid, qui est sorti en 1970. Donc, dans le segment des 1001 chansons à avoir déjà entendues dans sa vie, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais quand même, ça va nous faire un plaisir de la réentendre. Je vous présente War Pig de Black Sabbath. On y va avec ça. Je vous dis à demain pour un autre dîner de cons. Gathered in their masses. just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. World stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Nous, on a promis pendant toute l'émission et hier qu'on allait faire une semaine, une grosse pointe en dresse, et je pense qu'on va garder Frédéric Bernard pour terminer là-dessus. Ah ben oui! Un petit dernier 5 minutes, donc voici expressément pour vous à la fin de l'émission, une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, secret dans laquelle on se rend dans les dépanneurs, épiceries et autres endroits où il y a de la nourriture malsaine et on se procure quelque chose à goûter qu'on n'a jamais goûté avant. Voilà. Hier, on a commencé une petite série pour cette semaine spéciale de fin de session avec des objets, des aliments un petit peu moins obscurs que d'habitude. D'habitude, j'essaie de choisir. Ben moi, je l'avais jamais vu. Tu l'avais pas vu encore parce que c'est nouveau. Je l'avais jamais vu. C'est nouveau, mais ça va devenir gros. Ben oui, c'est sûr, c'était tellement hot. C'était les Reese's Snackers. T'as commencé bien trop fort, là. Absolument, c'était les petits bâtons Graham à la cannelle qu'on trempait dans du beurre de peanuts. Est-ce que c'était officiellement la cannelle ou il y avait juste un arrière-goût de cannelle? C'était bon. Je sais pas si c'était officiellement la cannelle, mais ça goûtait clairement la cannelle. Bref, c'était bon, les petits bâtonnets dans le Reese, là, c'était génial. Donc, un autre produit que vous allez probablement voir parce que c'est nouveau mais assez populaire et c'est une petite compagnie underground qu'on appelle Ruffles. Est-ce que vous avez vu aussi, comme moi, les Ruffles au steak sur le grill? Ah, mon Dieu! Le sac a été aplati dans mon sac à dos. Désolé, oh mon Dieu, puis il y a un beau gros roast beef rosé tranché sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Ouais, moi, de la viande de même. Là. Et vous êtes tellement conservateur que vous avez pris un sac barbecue. Moi, je suis là pour vous dire... Ben déjà, un c'est barbecue, bon. C'est pas bon. Non, c'est pas ma préférée. C'est comme sur oignon, clairement, la meilleure. Des Ruffles en plus, oui. Ou assaisonné. Ouais. Ouais. Non. Ruffles, crème sur oignon, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Ruffles. C'est vraiment ma préférée. Ouais, ouais. Ouais. Crème sur oignon. En tout cas. c'est ça. Le sac, oui, a beau être aplati, mais il va quand même s'ouvrir. Il a perdu un petit peu de son air, mais il est pas supposé être ouvert en tant que tel. Donc, tiens. Tu parles pas de son look, rien, là. Ah, je t'ai pressé, excuse-moi. Je te trouve très froid avec le sac. Moi, je me demande Je suis tellement content d'être resté. J'aime tellement trop ça, les chips. Là, j'écoute des séries télé. Fait que c'est sûr que j'aime ça, les chips. S'il a perdu son air, c'est dans mon sac à dos depuis avant-hier. Fait qu'il devrait pas on être trop. On s'en fout. Ok, bon. Donc, elle s'est dit durée limitée. Steak sur le grill, bonne jusqu'au 16 juin, saveur simulée. Donc on voit comme t'as dit un steak saveur sur une planche. Saveur simulée, ok, c'est pas des saveurs naturelles de steak qu'ils ont injecté dans la patate. Il y aura pas de steak malheureusement. C'est sûr qu'il y avait un steak. Ah, ça aurait pu. Pourquoi penser à manger autre chose que du steak? Ok, ça c'est le slogan. Et t'as la grande phrase clé qui est de vos barbecue. Ça, c'est le slogan. C'est pas super net, Adam. Pas tout à fait. Les nouvelles croustilles assaisonnées Ruffles Steak sur le grill vous offrent la saveur alléchante d'un bon steak cuit sur le grill. Chaque croustille regorge d'une délicieuse saveur de bœuf fumé et pimenté cuit sur le barbecue. Ingrédients, pommes de terre. Ça commence bien. Ça commence bien, ouais. Huile végétale, assaisonnement. J'aurais aimé ça qu'en deuxième, ça soit steak. Ça aurait été cool. Ruffles, la marque de croustilles ondulées, croquantes et débordantes de saveurs préférées des Canadiens. Hein? C'est drôle quand tu dois définir que t'es la marque préférée, mais dans une catégorie. C'est comme la marque de croustilles ondulées, croquantes et débordantes de saveurs préférées des Canadiens. Donc c'est la numéro 1 dans la catégorie des croustilles ondulées, croquantes et débordantes. Non, mais on sait que c'est ondulé. Non, mais là, ça veut dire qu'ils sont pas numéro 1 de rien, là, s'il faut qu'ils prennent autant de sous-catégories. Là. T'sais? Mais non, mais il cherchait juste une place pour dire qu'il était débordant de saveurs. Moi, je suis l'animateur numéro 1 entre 30 et 33 ans. Du campus. Du campus de l'UQTR qui anime une émission matinale sur les ondes d'une radio campus. Je suis clairement le numéro 1 là-dedans. À Trois-Rivières. Je trouve ça très drôle pour ceux qui connaissent la soirée encore jeune. Ils ont le gag de faire « On est numéro 2 en mariage! » En effet. Donc, est-ce qu'on ouvre le sac de Ruffles Steak sur le grill, Steph? Oh que oui, je suis... Je suis vraiment curieuse. D'habitude, ça m'écœure, là, toutes les saveurs bizarres, là, mais ça, c'est ça me titille. Malheureusement, on n'entendra pas l'effet tant que ça du sac, étant donné qu'il a perdu son air un peu. Là. Non? Oh, mais il va quand même faire chouchouiche. Okay. On t'écoute dans le micro magique. Voilà. Ah, OK. Ouais, ça a marché. Un beau bruit du sac à chips. Ça marche. Je suis un peu déçu. T'as pris le format échantillon. Ouais, ben qui c'est est ça. En théorie le format qu'on devrait manger normalement. Mais j'ai pensé à acheter le gros, mais je me suis dit qu'un gros sac pour la chronique, ce serait beaucoup. T'sais? Mais ça. D'un coup, c'est pas bon. Si c'est pas bon. Je suis un peu perturbé. J'ai vraiment l'impression de sentir un steak saignant. Comment ça, non? Ils ont réussi à imiter l'odeur. Tu fermeras tes yeux. tu sentiras dans le sac. Oh, ça sent le steak. Ben voyons donc. J'espère qu'ils ont réussi le goût autant que la saveur. Ferme tes yeux, sens dans le sac, prends-toi deux chips, puis on va manger ça ensemble. Un petit tune de chip-chip. Même. Moi? Quand même, là. Ouais. Okay. Je vais faire la même chose, t'as un peu. Ferme attends, les yeux. Attends, là. Attends. Hey. C'est vrai que l'odeur est là. Oui. Oui. Ça sent vraiment. Mais ça le sent un steak. Petit peu la saveur, je trouve, simulée des ramen au bœuf. Je trouve non, exactement. Je trouve vraiment que ça sent le steak. Non, t'as raison, ça sent le steak. Ok, on plonge. Tu sais, si tu sais pas, c'est des chips. Go. On goûte à ça. C'est vraiment bon. C'est super bon. Mais ouais, c'est pas mauvais. L'arrière-goût fait steak, en effet. Ça fait vraiment poivré. Ça goûte aussi les petites épices à steak que tu vas mettre sur le dessus de ton steak. De Montréal, là. Genre. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est pas si poivré. Je m'attendais peut-être à quelque chose un peu plus piquant. Ouais, mais moi aussi, étant donné la description, mais tu sais, des fois, entre piment, poivre, puis poivron, que c'est le même mot en anglais, des fois, ça peut porter à confusion pour la traduction. Mais ça goûte vraiment... Ça goûte des épices à steak Clubhouse. C'est génial. Ouais. Et mais le steak, il pas semelle de botte, hein? Il est rosé, là. Il aurait dû marquer steak rosé sur le grill. Parce qu'en tant que tel, ce qui goûte la petite fumée, j'aime ça aussi, là. C'est vraiment... on goûte l'aspect grill autant que le steak. Ça goûte vraiment le barbecue, mais pas chip barbecue. Non. Ça goûte le foutu barbecue. J'ai l'impression de manger sur le barbecue, là. Ouais. Ah, c'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. Ah, il reste, hein, la saveur reste longtemps dans la gorge, c'est d'habitude, bon. Toutes les saveurs bizarres, ouais. Ça m'écœure, mais ça, je trouve ça t'sais, délicieux. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, tu mettons que les Ruffles à la quesadilla au fromage, ben c'est juste des chips au fromage. Ouais. Ben oui. Clairement, il n'y a pas de quesadilla au fromage là-dedans, n'y aise-moi pas. J'ai essayé les chips Ruffles aux pommes de terre. Oui, au four, hein? Pommes de terre au four. Le monde riait de moi à la luite. C'est des chips au chip. Tout le monde les trouvait très, très bonnes. C'est vrai, c'est des chips au chip. C'est des chips au chip. Avec la crème sure. Oui, un peu de crème sure, mais en même temps, la crème sure oignon, c'est aussi la crème sure. Mais quand tu dis quesadilla au fromage, ouais. C'est vraiment le nom de la... Mais c'est parce que quesa, c'est fromage. Oui, oui. Ouais. Je vais aller chercher pour être sûr, là. Parce que mais ça devrait être juste des chips quesadilla, non? Ouais, ouais, mais... Ah non, mais des quesadilla, c'est pas ça, c'est des pitas, c'est comme des espèces de... Ouais. Vas-y, fais une recherche. Ah ouais. sauf que queso, ça sous-entend qu'il y a du fromage dedans. Ça s'appelle queso. Tu sais, ça c'est au fromage. C'est ça, ça veut dire fromage en espagnol. Une quesadilla est un antojito mexicain d'Amérique centrale et de la cuisine Tex-Mex, préparé à partir de tortillas et de fromage fondant, parfois agrémenté d'autres ingrédients. Les quesadillas sont cuites sur une plaque chauffée ou une poêle. Tu sais, c'est comme si tu disais des chips au grilled cheese au fromage. Ouais, des chips au grilled cheese au fromage. Du ketchup aux tomates, du tomato ketchup aux tomates. Ou quand j'étais petite, je disais tout le temps, tu sais, genre macaroni gratiné au fromage. Parce que je savais pas que gratiné, ça sous-entendait nécessairement du fromage. T'as raison. On y pense pas, mais ouais, en effet, je sais pas si les gens auraient compris ce que voulait dire quesadilla si t'avais juste. Pourtant, il y a une photo sur le sac. Ouais, non, c'est clairement pour le monde qui sont vraiment indécis quand ils choisissent. Bon, mais des moi, chips, je veux d'autres chips parce que c'est vraiment bon. Le gros steak saignant sur le dessus. Là. Avoir su qu'on serait trois, je n'aurais ramené un plus gros sac. Ben non, mais je vais aller m'en acheter, où t'as pris ça? Ben au dépanneur, Steph, je me casse pas la tête. Je me casse vraiment pas la tête. Et finalement, tu sais, j'avais dit que je parlerais pas trop de nouvelles, mais juste une rapide, parce que je la trouvais drôle. C'est une cour qui a récompensé un client de chez Pizza Hut $2,400 américains pour avoir endommagé ses dentiers pour avoir mangé des croutons excessivement durs. Oh boy! donc, la bouche humaine est sensible, hein? Et chez Pizza Hut, apparemment que leurs croutons sont très très solides. Donc, $2,400 plus les intérêts et les coûts de la cour dans un jugement contre Pizza Hut, selon Rowan County News, après avoir poursuivi le restaurant pour le dommage à ses dentiers. La poursuite disait que le restaurant avait causé des blessures personnelles et des dommages à son partiel spécialisé en servant négligemment au restaurant du défenseur des croutons, beaucoup trop durs. L'avocat du client a dit qu'il a approché Pizza Hut pour trouver une résolution avant d'aller en cour, mais finalement, ça n'a rien donné. Donc, ils sont allés en cour. Ils ont essayé d'arranger ça à l'amiable avec la compagnie d'assurance, mais ils ont même pas voulu leur parler. Donc voilà, ils ont passé la poursuite et ça a fonctionné. Mon Dieu. Wow. Ah, je voulais en parler, c'est tout. David, il faut pas aller chez Pizza Hut. C'est ça, faut pas. Ben, ça dépend. Quand? Si tu gagnes en cours contre eux autres, peut-être. Ah! Voilà pour une grosse pointe tendresse vraiment express. On va faire une autre chronique demain parce qu'on en fait toute la semaine. Voilà. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi.

Je l'ai déjà vue en show, j'ai hâte de la revoir, elle est tellement talentueuse. Juste avant la pause musicale, eh bien, on avait plusieurs petites vidéos, plusieurs petits articles comme ça que je vous ai lancés en rafale. Une autre vidéo ici à voir, c'est un homme qui marque sur un coup franc direct à 60 mètres de distance. C'est ce week-end lors d'un match de deuxième division américaine, Zurab Triste. Cadridze, oui, un milieu de terrain évoluant dans l'équipe de San Antonio s'est illustré en marquant un superbe but sur un coup franc direct de 60 mètres face à Minnesota. C'est magnifique, c'est absolument à voir. Si vous aimez le ballon rond, vraiment une vidéo absolument à voir. Quand tu dis là, c'est 60 mètres et le gars marque un but. Une autre étonnante vidéo ici à voir, c'est la technique d'un policier pour ramasser des barrières de sécurité, des styles des cônes, mais des genres de barrières de sécurité en métal quand même. Hein? Donc, c'est ce week-end, ça s'est passé à Lausanne, en Suisse, après la 34e course à pied pour des 20 km des passants. Eh bien, des gens ont filmé la surprenante technique d'un motard de la police pour ramasser et ranger des barrières de sécurité rapidement. L'homme a mis au point un système D qui consiste à attraper les barrières avec ses jambes, puis à les tracter avec sa moto. Lui aussi, assez ingénieux, le jeune homme. Allez voir ça en vidéo, toujours. Ici, je vous parle d'une disparition, la disparition d'urbanistes. Urbaniste, c'est quoi? Ben, d'habitude, un urbaniste, c'est lui qui pense à comment faire une ville. Non, lui, c'est le taureau puceau qui est pourtant père plus de 80 000 fois. Eh bien oui, le monde de l'élevage pleure un de ses meilleurs reproducteurs, urbaniste, un montébéliard de 12 ans, qui laisse derrière lui une descendance de plus de 80 000 animaux, lui qui pourtant n'a connu aucune autre vache que sa mère. C'est le journal régional Le Progrès qui a donné l'information vendredi dernier, qui a été confirmé par l'Association France Presse par la taurellerie de Brindas, c'est dans le Rhône, où il a fini ses jours il y a environ un mois. Envoyé à la réforme, donc à l'abattoir, la qualité de son sperme déclinant avec les années. Urbaniste était né au GAEC Bouscasso, dans le Saône-et-Loire, donc dans la Loire. En 2003, Urbaniste s'est rapidement illustré pour ses facultés à donner des vaches présentant une bonne qualité de lait avec une morphologie exceptionnelle, des mamelles notamment extraordinaires. C'est ce qu'explique Peter Urbick, responsable du service de création génétique de l'Union des coopératives d'élevage de l'Alpes et Rhône. Mais eux, ils disent juste Alpes-Rhône. Mais peut-être que comme Québécois, on ne comprendra pas. En cumul, le taureau a produit quelques 200 000 doses de semences permettant la naissance d'environ 40 000 mâles et 40 000 vaches laitières, une performance assez unique dans ce milieu. Mais attention, Urbaniste n'a rencontré aucune vache de sa vie à l'exception de sa maman. Loin de tout fantasme, les vaches sont en effet aujourd'hui inséminées en majorité à partir de paillettes congelées dans de l'azote. Et on apprend l'homosexualité aux jeunes promoteurs. OK. Vraiment, on apprend l'homosexualité aux jeunes mâles promoteurs, c'est-à-dire à s'exciter sur un autre taureau qui hérite du gay sobriquet de bout en train, écrit le journal Le Progrès. Le plus fou dans cette histoire étant, malgré ses qualités de reproducteur, Urbaniste présentait une libido non débordante. C'est ce qui est écrit sur le site Humotes qui regroupe 10 coopératives d'insémination. Alors, ben, repose en paix, Urbaniste. Hein? En tout cas, tu vas en avoir donné des hamburgers. Un prince de Saoudien promet des Bentley à ses soldats et ensuite efface son tweet. Donc, le prince saoudien a promis dans un tweet d'offrir 100 voitures de luxe de marque Bentley aux pilotes prenant part au raid de la coalition arabe contre les rebelles chiites au Yémen. Mais finalement, a rapidement supprimé son message. Le tweet n'apparaît plus sur le compte Twitter officiel du prince Al-Walid Bentalal qui compte plus de 3 millions d'abonnés, mais des internautes avaient apparemment pris le message en photo et l'ont fait circuler sur les réseaux sociaux. En guise de remerciement, En guise de remerciement, c'est un honneur d'offrir 100 Bentley aux 100 pilotes saoudiens impliqués dans les raids, avait écrit le prince qui félicitait le gouvernement saoudien pour le succès de sa campagne aérienne au Yémen, dont Riyad a annoncé la fin mardi. Des bombardements de la coalition ont toutefois eu lieu mercredi et jeudi dans plusieurs villes yéménites. Le tweet du prince de Al-Walid Bentalal a fait l'objet de critiques d'internautes, certains l'accusant d'être un frimeur. En tout cas, ça ressemble à ça. Le prince dirige une compagnie, la Kingdom Holding Co., qui détient des parts dans des activités aussi diverses que le parc d'attractions d'Euro Disney, la chaîne d'hôtellerie Four Seasons, la banque américaine Citigroup et le géant des médias News Corporation. Il est l'un des constructeurs d'une tour qui doit devenir la plus haute du monde, donc qui va s'élever à plus de 1000 mètres au-dessus de la ville de Jeddah, sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite. On va dépasser le kilomètre par en l'air. Là. En début d'année, il a ouvert une chaîne pan-arabe, oui, d'information à Bahreïn, que les autorités ont fait fermer après moins de 24 heures d'antenne dans ce que des observateurs ont décrit comme une atteinte à la liberté de presse. Ces services n'ont pas reproduit... les services du prince n'ont pas répondu à une demande de réaction de la part de l'association France Presse. Hein? Qui ne dit mot consent, comme on dit. Hein? C'est un peu ça. Et sinon, ben tiens, on va ramener un petit segment que ça fait longtemps que j'ai pas fait ici dans le Dîner de cons, mais ça va être bien intéressant. Je vous parle du segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie, hein? Et mille et une chansons qu'il faut écouter, pas juste les entendre. Cette fois-ci, je vous parle de la formation Derek and the Dominoes. Là, j'entends déjà les dents du gozo Derek and the Dominoes. Eh bien, Derek and the Dominoes, c'est eux qui ont fait Layla. Derek and the Dominoes, c'était Eric Clapton, Jim Gordon. La production, c'est Tom Down. Le label, c'est sur Polydor. Et l'album, c'est Layla and the Other Assorted Love Song, qui est sorti en 1970. Pour la petite histoire... Eh bien, il y a une certaine ironie dans le fait que la chanson la plus célèbre d'Eric Clapton a été enregistrée par un groupe où il a dissimulé son nom et sa notoriété pour éviter les pressions imposées à ses supergroupes précédents comme Cream et Blind Faith. Partageant la guitare solo avec Duane Allman, The Allman Brother Band, et écrivant le reste écrivant avec le reste du groupe quand il ne faisait pas de reprise, Clapton n'a produit qu'un album avec The Derek and the Dominoes avant de retomber dans les noirceurs de l'addiction, de la souffrance. Cette chanson est inspirée de Majnun et Layla, ce poème de Nezami Ganjavi. Okay, qui est un poème persan du 12e siècle, raconte l'histoire d'un homme fou d'amour pour une femme qu'il ne peut avoir. Dans la vie, Layla n'était nul autre que Patty Boyd, épouse du meilleur ami de Eric Clapton et dont ce dernier était tombé follement amoureux. Eh bien oui, tout au long de double album, il expose les drames de cet amour non partagé et culminé en beauté avec 7 minutes douloureuses, un drame personnel presque trop brutal pour être compris. S'il se demande s'il ne va pas devenir fou et se pose la même question que cette légende du blues, Robert Johnson à ses heures les plus sombres, son amour n'est-il pas vain? La version originale de Clapton, plus rude, était agrémentée d'un riff d'ouverture par Duane Allman. Cette chanson d'Albert King était une ballade sous la forme originale, mais elle s'est retrouvée ici jouée par 6 lignes de guitare superposées. Le final, au piano, long de 4 minutes, était une chanson du batteur Jim Gordon qui a été ajoutée 3 semaines plus tard. Quant à Patty, celle qui avait inspiré Layla, eh bien, elle divorça de George Harrison pour épouser Clapton en 79 et redivorcer à nouveau en 88. Donc, hein, Patty Boyd, qui était l'épouse du meilleur ami de Clapton, George Harrison des Beatles. Alors, dans le segment des mille, une chanson à avoir entendue dans sa vie, hein, eh bien, on va aller écouter ça. Mais avant, j'ai une petite chose ici, une petite citation d'Eric Clapton qui nous dit « Je suis très fier de Layla. J'aime l'écouter. Un peu comme si ce n'était pas de moi, comme si j'écoutais quelqu'un que j'aime vraiment. » Hein, particulier quand même. Cette chanson a été influencée par As the Year Go Passing By de Albert King, influencée par Motherless Children. A influencé Motherless Children d'Eric Clapton en 74 et elle a été reprise entre autres par Herbie Mann en 74, John Fahey en 84, Henry Salvador en 94 et Bobby Broom. Alors, hein, je l'ai dit tantôt, dans le segment des Jumelines, une chanson à avoir déjà entendue dans sa vie, eh bien, je vous présente la pièce de Derek and the Dominoes, Layla. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. What do you do when you're stranded? The moment is waiting. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est Justine Renaud qui arrive et elle nous fera pas manger quelque chose, elle va nous faire boire sa chronique. Et voici Justine Pertine. Boire. Buvez mes paroles. Oui. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va effectivement parler de quelque chose qui se boit. Ah, c'est comme si j'avais vu les noms de tes chansons puis j'avais deviné ton thème. C'est pareil comme. T'es vraiment perspicace. Mais tu nous avais parlé du fait que tu parlais de café d'ici la fin de la session. Oui, ben parce que c'est vraiment là, l'horloge a sonné, c'est la fin de session. En fait, je pense que la session est terminée depuis quoi, un, deux jours? Ah, ça dépend des gens, en fait, je pense. Ça dépend. Ouais, si t'as doublé ou pas. Des gens qui ont quand même des travaux à remettre plus tard. Plus tard. Ça s'abuse. Et les professeurs qui vont prendre à peu près 2 mois pour corriger pour certains, je dis pas tous, juste certains. Fait d'enfants, eux autres qui n'ont pas gradué avant 2017. C'est correct, je juge pas. Mais personne. Caféine, ce qui nous garde éveillés, ce qui nous garde en vie en fin de session pour certains. Les autres, sérieusement, je sais pas comment ils font. Pour vrai, moi, c'est à l'année longue. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de plus de café. Sinon, si j'en bois pas, je vais être complètement amorphe, donc j'en bois beaucoup trop. Mais en fait, je peux. On va en parler tout à l'heure de qu'est-ce qui se passe quand on n'en boit pas de café. Ben, en fait, vous le savez probablement, une personne sur deux a des effets comme on appelle en anglais, de withdrawal, on est en manque de café, qu'est-ce qui se passe? Ben, une personne sur deux vont subir des effets. Bref, mais parce que ma chronique est relativement grosse, parce qu'il y en a donc bien à dire sur la caféine, je peux débuter tout de suite. Allons-y, soyons pertinents, toujours en couvrant un sujet scientifiquement, musicalement, etc. Je vais essayer de démystifier pour vous le café, la caféine en particulier. Donc, la caféine, pour la plupart, on sait c'est quoi. C'est connu surtout pour être la composante pharmacologiquement active dans le café, c'est-à-dire la composante qui a un effet dans le corps. Y en a aussi dans le thé, des boissons caféinées, des boissons énergisantes, etc. Ouais, tu sais, le monde qui s'assine, non, c'est de la théine! Ben, c'est la même affaire. Ok, ben, on va s'en parler de la théine, en fait. C'est exactement Parfait. Ça. On va tout démystifier. Ah, merci. Il va falloir mettre ça sur le nez. Absolument. Mmh. Hein? C'est une molécule qui se retrouve naturellement dans les graines, les feuilles et les fruits de quelques plantes. On peut penser notamment aux grains de caféier. Caféier! Yeah! C'est-à-dire que moi, j'ai ça en dedans de moi en tant que plante. Oui, non, mais tu sais, il y a de l'herbe à poux aussi. Là. Oui. Ah, ben j'ai ça. Ça se peut que tu sois une mauvaise herbe plutôt. On est donc tous familiers avec les effets que la caféine a sur le corps, notamment sa capacité d'agir comme stimulant du système nerveux central et du système cardiovasculaire, ça c'est votre cœur. Hein? Et ses formidables propriétés anti-somnolence qui augmentent notre état d'alerte en rush de fin de session, mettons. OK? Les breuvages caféinés sont très, très, très populaires. Là, je vous dis des statistiques un peu niaiseuses. En Amérique du Nord, on parle de 90 % de tous les adultes qui en consomment au quotidien. C'est je ne parle pas d'une fois par semaine, là. Qui boit son petit thé à l'anglaise. Je suis tellement dans le 10 % Je suis tellement dans le 90 depuis mes études supérieures. Mais c'est ça. Fait que ça peut-être... Je serais intéressée de voir la corrélation avec le taux de diplomation de PhD ou de gens à la maîtrise ou de gens avec des bacs versus... C'est ça. Je buvais beaucoup plus de café... Au travail, en sortant de chez nous. Chez nous, je suis moins portée à en prendre. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude de sortir, aller travailler, aller à ses cours. Chez vous, c'est correct de ne pas être alerte. C'est moins dangereux. Non, mais je veux dire, je travaille à la maison et je ne ressens pas le besoin de nécessairement me faire un café. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est un smoothie à place. Un smoothie! Oui, exactement. Oui. Bon smoothie. Ça n'a pas les mêmes effets, mais c'est bon pour toi. Ça dépend. Il y en a des smoothies qui peuvent contenir de la caféine, dépendamment de ce qu'on met dedans. Ben voilà. Là, on va en parler de la théine, justement. Fait que souvent, on entend parler d'autres termes pour désigner la caféine, comme la guaranine, la matéine ou même la théine. La térébenthine aussi. Térébenthine. Bon, pépine. Bon, pépine aussi, c'est de la caféine. La Céline aussi, la Céline Dion. Oui, elle nous réveille en masse. Tu trouves? Ben, je sais pas, moi. La cognita. Il y a des chansons là qui sont comme moi de danse dans ma tête là. Ah non. Ah, oh, Cause I'm Your Lady. Ça c'est notre tune à Mouth Matchup. Cause I'm Your Lady. Hein? Cause I'm Your Lady. Ça sert à Lady. Ah, laisse faire. Donc, Guaranine, c'est la même chose que de la caféine, attends un peu, là. Ben là, attends une minute, là. J'ai même pas fini ma phrase, tu viens de devenir un peu où je m'en allais. Ben, c'est un peu évident. En passant, là, je dis, parce que j'ai pas fini ma phrase, il faut que j'aille complète. On recommence là du début, OK? On va te suivre, on va t'écouter. Souvent, virgule, on entend parler d'autres termes pour désigner la caféine, virgule, comme la guaranine, virgule, la matéine, ou même la théine, virgule. J'ai-tu mis virgule à la bonne place? Ouais, oui. Ouais. Dans les boissons à base de, par exemple, à base d'énergisante, ça se dit pas, là, mais les boissons énergisantes vont parfois contenir la guaranine. Les boissons à base de maté, qui est un type d'espèce de plante sud-américaine à partir duquel on peut faire comme des thés, mais c'est pas exactement comme des thés chinois, mettons. À base de maté, dans le fond, ça, c'est la matéine. Et dans le thé, la théine. Mais en fait, ces molécules-là, comme Steph l'a dit, ce sont des molécules identiques à la caféine. C'est toute la même affaire. La taurine, est-ce que c'est la même chose? Non, ça, c'est autre chose. Okay. Mais si je ne m'abuse, c'est une molécule qui lui ressemble beaucoup à la caféine, mais ce n'est pas de la caféine. Donc, elle a les mêmes effets, finalement. Pas nécessairement. Ah. C'est des fois, il suffit qu'il y ait un petit bout de la molécule qui n'est pas pareil, puis ça change complètement. Par exemple, le trinitrotoluène, le TNT, qui est explosif. Ben, juste à côté, là, au Léon Provencher, on utilise de l'acide picrique qui ressemble énormément. Mais c'est pas la même affaire, là. Non, puis ça explose pas. C'est moins explosif. Ben oui, ça peut exploser, mais pas le pavillon. C'est ça, exactement. Donc, je disais de ces molécules-là qui sont toutes identiques au café, elles proviennent de sources différentes de grains de caféier. C'est juste ça qui fait en sorte qu'on a utilisé d'autres termes. Mais c'est d'ailleurs, puisqu'elles proviennent de sources différentes, qu'elles sont préparées différemment et qui sont ingérées différemment, que ces molécules de caféine, apparemment identiques en structure, ont des effets parfois un peu différents. C'est toute une question de concentration et c'est une question de avec quelle autre molécule elle se retrouve dans la mixture, dans la boisson. Dans la boisson, s'il y a d'autres molécules, parfois, ça peut vraiment avoir un effet sur la manière dont la caféine est absorbée au niveau de notre système et parfois... Comme par exemple le thé, on sait que l'effet de la caféine est beaucoup plus graduel. On a pas un high comme un café. Tu bois ton espresso puis tu vires sur le top, mais une heure plus tard, t'as plus rien. La théine dans le thé, qui est en fait de la caféine, est comme conjuguée et comme collée avec d'autres polyphénols qu'on appelle, c'est d'autres espèces de molécules qui vont faire en sorte que le relâchement de caféine dans notre système va être plus lent. Fait que c'est comme au compte-goutte. On prend notre caféine au compte-goutte, mais essentiellement, c'est la même molécule. Et puisqu'on en parle de la molécule, j'espère que vous savez tous c'est quoi une molécule, parce que sérieusement, je vous ferai pas un cours de chimie, là. C'est à base d'atomes. C'est quoi des atomes? Ah ben là, changez de poste. Non, faites pas ça! Donc, la molécule de caféine, elle ressemble à quoi, justement, t'sais? Parce que c'est sa forme et sa ressemblance avec d'autres molécules à l'intérieur de notre corps qui lui donnent ses propriétés antisomnolentes. C'est la même affaire avec bien d'autres des molécules, là. Mettons, de la cocaïne, ça ressemble à une certaine molécule dans le corps, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que ça a un effet au niveau du cerveau. Ben c'est le même principe avec la caféine puis plusieurs autres choses. Ceux qui savent de quoi a l'air la molécule de la caféine, c'est qu'ils ont acheté le collier ou le t-shirt avec le symbole dessus. Oui, c'est les seuls qui savent ça. Vous avez la tasse de café avec la molécule de caféine. C'est une molécule de formule brute, C8, donc 8 carbones, 10 hydrogènes, 4 azotes, 2 oxygènes, retenez ça, c'est à l'examen, qui s'apparente de très, très, très près à une classe de molécules qu'on a dans le corps, qui porte le nom de purine. Purine. C'est joli, hein? Okay. C'est de la bouffe à chat, ça? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Purine catchup. Pour ceux qui ont fait des cours de biologie par le passé, ça peut vous dire quelque chose, purine, à part Purina catchup. C'est les deux membres de la famille des purines les plus connues. C'est les deux membres, oui. Les deux membres qui sont les plus connus de cette famille-là sont l'adénine et la guanine. Ah. C'est deux bases nucléotidiques parmi les 5 connues qui constituent l'ADN, entre autres. Donc, c'est des composantes de nucléotides. Ah. Fait qu'on en a tout plein dans le corps. Mais, Miam. Attention, ce n'est pas au niveau de l'ADN que la caféine a un effet marqué, parce que là, on serait vraiment dans le plus si ça commence à jouer sur l'ADN. C'est plutôt au niveau des neurones dans le cerveau. Mais un type de neurones en particulier. C'est ceux qui ont un rôle au niveau du sommeil. Certains neurones reçoivent des informations sous la forme de neurotransmetteurs. Je vous l'ai peut-être déjà expliqué, c'est des petits messagers chimiques qui permettent la communication entre deux neurones. Et dans le cas de certains neurones, ces neurotransmetteurs sont de l'adénosine, que j'ai déjà dit que ça y ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à la caféine. En temps d'éveil normal, l'adénosine ne se trouve pas en grande quantité dans le cerveau, donc on en a juste un petit peu. Mais au fil de la journée, elle va s'y accumuler et se lier à son récepteur. Donc, le cerveau en fait son accumulation. Puis dans le cerveau, l'adénosine va être capable de lier des récepteurs qui sont spécifiques à l'adénosine. C'est un peu comme une clé serrure dans une porte. Au niveau des neurones qui régissent dans le fond le sommeil, la somnolence, c'est la sensation qu'on a de devoir aller se coucher. La caféine, elle, ce qu'elle va faire pour empêcher l'adénosine de donner un effet de prosomnolence, va en fait empêcher cette molécule-là de se lier à ses récepteurs. C'est comme si on pétait la clé de la porte ou comme si on bloquait la serrure. Mmh. Comme ça, il n'y a pas reconnaissance du signal, puis les neurones sont comme « Ben non, je ne suis pas fatiguée. » Ben non, tout va bien. Et c'est pour ça que le café aide à demeurer éveillé. En fait, on en parlait aussi des effets physiologiques quand on ne boit plus de café. En fait, ça prend pas grand temps. Ça prend à peu près 235 mg de café au quotidien pour commencer à avoir des effets, disons... On peut pas parler de dépendance parce que y a pas, c'est pas une dépendance comme une drogue où que malgré qu'il y a des effets négatifs, on continue à aller chercher le stimulus, on continue d'aller chercher une source de caféine. Mmh. Mais tu sais, c'est pas comme le jeu, c'est pas comme la cocaïne. On peut pas appeler ça. T'as pas de contrôle sur ce que tu fais. On a quand même un très bon contrôle. Ouais. Oui, c'est un psychotrope, on en a parlé, c'est un psychostimulant, la caféine, mais on est loin de tout ce qui est addiction, etc. Donc, vous pouvez pas dire là, à votre conjoint, conjointe, « Hey, arrête, t'es un addict, puis genre, t'essaies de casser avec, puis de partir avec les enfants, puis d'avoir une pension alimentaire. » Ça marche pas. Mais les effets du café restent longtemps, même après une petite dose, dans le fond, ça reste, puis la courbe descend très tranquillement, puis quand t'en prends un autre, ça fait se remplir par-dessus, puis ça fait que ça va durer encore plus longtemps, je me trompe? Ça dépend des personnes, en fait. Moi, je sais que je prends un café, j'ai un high, puis après ça, moi, ça redescend quasi immédiatement. Okay. Je peux prendre un café avant d'aller me coucher, puis j'aurai généralement pas de problème. C'est vraiment un cas, c'est du cas par cas. Du cas par cas, j'aurais jamais pensé. Tu as raison. Disons, pour toi, peut-être que tu métabolises moins rapidement la caféine, ce qui veut dire que tu as détruit moins rapidement, donc elle se retrouve dans ton système en circulation plus longtemps. Blablabla. On comprend le reste. Oui, parce que là, je rentrerai vraiment dans le métabolisme des xanthines, puis on est rendu loin, là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à raison d'à peu près 235 mg par jour, qui est dépendamment de vos grosseurs de tasses de café, puis ça peut être à peu près 2 tasses de café environ, on commence à avoir des signes de withdrawal, j'ai toujours jamais le mot en français. Ouais, je sais pas s'il y en a un, en fait. Un mot exactement qui veut dire exactement ça en un seul mot, je suis pas sûr. Quand on est en manque, tu sais. C'est ça. On commence à avoir des symptômes les jours où on en a pas. Et souvent, chez une personne sur deux, ça va être des maux de tête. Ça, c'est clair. Ça, c'est les maux de tête, c'est assez typique. Fréquent. Mais parfois, ça peut être de l'irritabilité. Donc, on peut être un petit peu plus agressif quand on n'en a pas. Mais c'est ça, juste pour dire que ça peut avoir quand même un effet. Et comme on parlait d'effet à long terme, ça va vraiment moduler, ça va changer le cerveau, comment il fonctionne. Et c'est pour ça qu'après ça, on a des sensations négatives quand on est en manque de café. Overdose de café, est-ce possible? Ben sûrement, tu peux faire une overdose d'eau. Oui, on peut faire d'une overdose de ben des affaires. Café, ça serait au-delà de quelque chose comme 1500 à 2000 mg de café. Ça s'atteint quand même. Ça s'atteint. Oui, c'est pas si gros que ça. Non, il faudrait boire quelque chose comme entre 10 et 20 tasses de café, dépendamment de comment vous les... Ça peut se faire. Dans ce cas-là, on peut parler de convulsion, on peut parler de tomber dans le coma si on est rendu vraiment très, très loin puis on en a vraiment beaucoup trop pris. Ça peut donner aussi la nausée. On peut aussi être très déshydraté parce qu'on sait que le café fait aller uriner beaucoup, fait que c'est quand même dangereux. Mais n'ayez crainte parce qu'il faut vraiment boire énormément. Donc, d'ailleurs, le Food and Drug Administration des États-Unis, le FDA, appelle la caféine comme un Generally Recognized as Safe. Donc, généralement, c'est sécuritaire. Faites pas le cave, buvez pas 3-4 percolateurs à vous tout seul. Et parlant de traduction, tant qu'on a abordé le sujet, on me dit... c'est un symptôme de manque. Un symptôme de manque. Donc, withdrawal symptoms. Oui, je préfère ça parce que moi, je suis tout le temps comme « Ah, je suis en withdrawal! » Ouais. Puis là, les t'es gens... T'es en manque, t'as le droit à dire. Je t'en manque. Ça veut dire plein d'affaires, mais t'as le droit à dire. C'est bon. Et on remercie l'auditeur qui nous a envoyé en direct. Oui, on l'appelle Safari. ou Siri, c'est Siri qui me l'a dit. J'étais sûre que t'étais en train de texter quelqu'un qui t'avait écrit ça comme un auditeur qui t'écrit... Non, j'ai cherché. Des fois, c'est un auditeur, des fois, c'est moi-même qui cherche. Fait que t'as demandé à Siri. Siri, c'est une auditrice? Non, Siri, c'est l'engin de recherche de... Je le sais. Du iPhone. Ah, comment? Mais on commande. Regarde, c'est quoi cette discussion-là? Je sais pas de quoi on parle. Ah, c'est ça, parle-nous de Windows 8 puis les interruptions par Farmville. Voir, y en a-t-il d'autres? Non, non. Okay. Ben calme. Okay. Bon. Suite à cette conversation de plantes et de végétaux et de vraiment sans cervelle absolument quelconque, on va parler de la nature. Okay. Parce qu'on s'entend qu'on peut se douter que la caféine ne joue pas le même rôle dans la nature, hein, parce que les plantes n'ont pas d'examen finaux, eux, elles, une plante. Mais la caféine joue quand même un rôle crucial dans la nature, celui de protéger les plantes contre les parasites, insectes et la croissance d'autres plantes indésirables dans le fond. C'est une molécule donc qui peut promouvoir la survie, en bref. Donc, c'est très, très, très important dans l'évolution des plantes. C'est pour ça qu'il y a certaines plantes qui expriment la caféine, qui sont capables de survivre dans des conditions assez intenses. Il y a trois manières que la caféine peut protéger les plantes. D'une part, tuer et paralyser les insectes. Là, une chance que notre système nerveux n'est pas fait comme celui des plantes, parce qu'il y en a une couple qui serait morte déjà. Donc, les insectes sont très susceptibles, vont aller manger la plante, vont aller manger, je ne sais pas moi, les feuilles ou les graines, je ne sais pas quoi, puis ils vont mourir. Point. Bon. Deuxième manière que la caféine est bonne, c'est que ça agit comme un pesticide contre d'autres plantes qui, elles, n'expriment pas la caféine et elles sont sensibles à la caféine. Fait qu'eux autres ici vont, crever. Pas être paralysés parce qu'ils bougent déjà pas, mais ils vont crever. Donc, ça va se retrouver au niveau du sol. La caféine va vraiment faire comme un café autour. Ça va être infusé dans la terre autour de la plante. Puis les autres plantes seront pas capables de pousser. Et troisièmement, ça c'est assez intéressant, apparemment que la caféine a un effet de récompense sur la mémoire des pollinisateurs, si c'est un mot, je pense que oui, dont les abeilles à miel qui, elles, vont devenir un peu accro, pas nécessairement addict, là, mais vont comme devenir un peu accrochées à la caféine, puis ils vont dire « Ah, faut que je retourne à cette plante-là, c'était vraiment malade! » ça fait atteindre abeille Gélina, puis qu'elle disait « Il faut que j'aille voir un plante. Oh! C'est quand même cool. D'accord. La joke ou la fille? La fille. Ouais, la fille, oui. La fille est drôle. La blague était poche, moi. Tu sais, en tant que plante, toi, je pense, tantôt j'ai dit herbe à poux, mais je pense que c'est plus comme un pissenlit. Un pissenlit? Ouais, ça se mange, mais c'est pas n'importe qui veut mettre ça dans sa. En plus, sa bêtise se répand, c'est pas le fun. En ondes, en tout cas. En ondes, quoi d'autre qu'on fait à part de parler de caféine, on écoute aussi de la musique. Si on te souffle dessus, tu revoles. Hein? Non, je suis très sensible. Hein? Ouais, on les voit tous. Les petits bouts de blanc. On peut aller écouter tout de suite pendant que Mathieu est vraiment, vraiment découragé qu'on parle de ces bouts de blanc. J'en ai comme 5 bouts de blanc sur le dessus de la tête. Mais c'est même depuis comme 5 ans. Ah, sur le dessus de la tête. C'est ça. Grand classique, Café Lézard de Vincent Vallière. On écoute ça immédiatement en parlant de café, caféine, etc. Encore à soir dans le café Lézard, sa table du fond, proche du trottoir. J'écoute la muse puis je pense à toutes sortes d'histoires. La serveuse paye au comptoir. Mais qu'est-ce que je fais encore à soir dans le café Lézard? Dois être autour de minuit moins quart. Y'a le temps qui passe juste en face de l'autre bord. Le lézard est pas mal désert. Puis t'arrives au hasard, t'arrives tout le temps de nulle part. Tu t'assois puis on jase, mes angoisses se tassent. Café Lézard, au cœur de mon quartier, ça fait de mon corps. Je reste tranquille et je suis jamais en retard pour flâner au lézard. Puis t'arrives au hasard, t'arrives tout le temps de nulle part. Puis on jase, mes angoisses se tassent. gants noirs de la soie. So c'était No Sugar in My Coffee, un peu comme moi je le prends, de Caught a Ghost. Avant ça, on a entendu Un train dans la nuit, Café froid et Gardénal de Dumas. Et juste avant ça, la première chanson, Café Lézard de Vincent Vallière, un grand classique québécois. Tu mets quoi dans ton café, mettons? Moi, ce que je mets? Moi? Ben, No Coffee. No sugar in my coffee, excusez-moi. Sais, mais, ça, moi, mais pas de sucre, ça veut dire que tu mets quoi? Du lait? Juste du lait. Parce que moi, je mets pas de sucre, en effet, mais je mets aussi pas de lait. Mm-hmm. Je le prends noir. Tu le prends noir. Fait que juste dire pas de sucre, ça veut rien dire. Ouais. Juste ben noir, ma noir. T'arriverais-tu un jour à un comptoir de grande chaîne de café pour chanter cette chanson de grande chaîne de café pour demander que tu veux un café noir, finalement? Parce que tu penses qu'il y a jamais personne qui l'a fait? Oh, non, je suis sûre que oui, mais genre ma grand-mère. Parlant de ça, hier, je vais chez Aïdou, qui est McDo Deluxe, et puis je demande mon repas. Et la personne à côté de moi, apparemment, c'est nouveau chez AW, on vous demande votre prénom pour vous donner votre commande, c'est nouveau. C'est nouveau. Ah. Fait que le gars à côté de moi, la fille lui demande votre nom, il dit Ricardo. Tu vois qu'il prend comme une pause. Ricardo. Sachant très bien que la madame allait faire exactement ce qu'elle a fait. Une recette! Une recette! Ah, qu'il doit être écœuré. Tu me niaises. Mais tu sais, tu l'as vu venir comme à des minutes, là. À des secondes, genre. Une recette! Une recette! Ouais. Ah, t'as-tu envie de dire « Je m'appelle Eric » ou genre « Richard » ou peu importe. Vraiment. Là, Joe. Joe. Je m'appelle John Smith. Monsieur Smith. Sérieusement. Ouais. Puis après ça, elle dit, genre, quand la commande est arrivée, quand elle était prête, elle dit « C'est pour mon beau Ricardo! » Oh, yeah! Ah, malaise, pour vrai. J'étais mal. J'étais mal ça donne le goût de lancer des roches. Vraiment. Mais c'est rondelle d'oignon, t'es calme. Ah! Tu peux-tu lancer rondelle d'oignon? Il me semble que ça a l'air à bien voler. À bien revoler. Je lancerai jamais une rondelle d'oignon parce que ça voudrait dire qu'elle serait pas dans ma bouche. Exactement. Mmh. Tu pourrais la lancer dans ta bouche. Tu peux la ramasser de la tête si ça fait pas plus que 3 secondes. C'est même pas dans un haïdou. T'es supposé être la madame science puis tu nous envoies de la foutaise de même. Voyons donc. C'est des farces. Moi, je mange ça même si ça fait 3 minutes que c'est à terre. C'est une rondelle d'oignon, bordard. Yeah! Tu remets les épices à AW dessus. C'est puis, ça. Parfait. Ça marche. Il y a une histoire drôle en parlant de grandes chaînes, encore une fois, mais cette fois-là, par rapport à Coca-Cola, parce qu'on parlait de caféine, puis j'ai pas exactement fini, il me reste juste un petit bout, parce que c'est vraiment drôle. Moi, je trouve ça bien drôle. Okay? Tout le temps du monde. Il s'est passé quelque chose avec Coca-Cola, puis avec les États-Unis. Les États-Unis sont drôles. Oh, sont cool. Oh, sont cool. Vous allez voir pourquoi. En 1911, OK, le cola, qui est une plante, c'est une plante de cola qui à base de laquelle on fait le Coca-Cola, a été l'objet d'une des premières menaces de santé publique documentées. La plante de cola contenait genre énormément de caféine, blablabla. OK, ça c'est juste pour vous mettre en contexte, oui. C'est pour ça que le Coca-Cola contient de la caféine. Le gouvernement des États-Unis avait alors saisi 40 barils et 20 fûts de sirop de Coca-Cola à Chattanooga dans le Tennessee sur le motif que la caféine de cette boisson était dangereuse pour la santé. Hein? 1911. Le 13 mars 1911, le gouvernement intenta un procès à Coca-Cola qui s'intitula « The United States versus 40 barrels and 20 kegs of Coca-Cola » afin d'obliger la compagnie à enlever la caféine de ses formules, usant d'arguments tels que l'excès de Coca-Cola dans une école de filles avait entraîné des caprices nocturnes, violations de règles et même immoralité. Donc, si vous vous sentez horny après un bon petit Coke, c'est peut-être pour ça. Bien que le juge rendit un verdict en faveur de Coca-Cola parce qu'il n'était pas cave. Deux lois furent introduites à la Chambre des représentants en 1912 pour amender le Pure Food and Drug Act en ajoutant la caféine à la liste des substances nuisibles et créant une dépendance qui doivent être mentionnées sur l'étiquette d'un produit. OK. Et c'est en 1913 que Coca-Cola se sont fait dire « Ouais, finalement, il faudrait peut-être pas que tu mettes de la cocaïne dans le Coke. » Et en 1929, se sont rendus compte qu'ils le faisaient encore puis que là, c'est pour de vrai. Apparemment que ça a été vraiment éradiqué. Mais ils ont commencé à démoniser la caféine avant la cocaïne. Incroyable. Et qu'ils sont cute, les États-Unis. Génial. T'as bien fait d'en parler. C'était tout. Tu finis là-dessus, c'est une bonne note. Oui. Ah, mais ça. Ouais, vraiment. Renault. C'est la note la note no. On te retrouve éventuellement à Assemblage Rocky. Bien sûr, on va vous tenir au courant par rapport à tout ça, les dates et les moments pertinents pour écouter Assemblage Rocky et pour écouter Justine Renault. Qui est tout aussi pertinente. Tout aussi pertinente. Tu peux-tu me le dire que je suis pertinente? C'est pertinente, Justine. Tellement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. L'application Tinder, hein, une application de gens coquins, de gens coquines, de rencontres, etc. Eh bien, savez-vous qui s'est inscrit sur Tinder? Eh bien, c'est, mesdames, attention, Leonardo DiCaprio qui vient de s'inscrire sur l'application Tinder. Mesdames, à vos écrans, il semblerait donc que l'acteur Leonardo DiCaprio cherche l'amour sur l'application mobile Tinder. Celui qu'on pensait en couple avec la chanteuse Rihanna récemment se serait inscrit sur le réseau de rencontres sous le pseudonyme Leonard, révèle le Daily Telegraph. Difficile de croire que le bel âtre américain, maintenant âgé de 40 ans, ait besoin de Tinder pour se trouver une compagne, mais ce serait un proche qui aurait vendu la mèche. Tenterez-vous votre chance? Eh bien, non, mais peut-être vous, oui! Et ça, c'est... Si vous voulez tenter votre chance avec Leonardo, le beau Leonardo DiCaprio, moi, je vous proposerais ces coupes géométriques qui sont magnifiques. Donc, des coupes géométriques pour chiens. Une étrange mode qui vient de Taïwan. On est tellement surpris, hein? Donc, faire des figures géométriques avec des poils de chiens, voilà la dernière et étrange tendance venue de Taïwan. Repérée par le site Rocket News 24, cette tendance au goût du jour bien discutable consiste à tailler les poils de son chien ou de son animal de compagnie, pourquoi juste un chien, pour donner à son minois une forme parfaitement ronde ou impeccablement carrée. Une passion pour le toilettage semble visiblement aller peut-être un peu trop loin. Ces derniers temps, les clichés de ces toutous coiffés au millimètre près envahissent les réseaux sociaux. Les internautes taïwanais rivalisent d'imagination pour faire de leur chien une pièce unique. Comme vous pouvez le voir dans les photos via la page Facebook du Dîner de con, eh bien, toutes les formes sont à peu près représentées, donnant aux animaux un air inquiet, voire même désespéré. Dans ces conditions, difficile de dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'en rire du chien. Hein? Moi, j'aime ça, rire des animaux. En plus, quand on rit des animaux, là... Tu sais, on n'a pas besoin de leur faire mal, on le tape pas, mais le chien se sent vraiment cave et il se demande pourquoi quelqu'un rit de lui, même s'il ben, il fait juste pas rien comprendre. Et moi, ça, je trouve ça tout le temps drôle de rire d'un animal. Surtout quand il a la tête carrée comme ça. Hein? Ben oui. Saviez-vous que vous pouvez, après Tinder, après Leonardo DiCaprio sur Tinder, eh bien, sur Airbnb, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Eh bien, c'est l'appartement de Kurt Cobain et de Courtney Love qui serait en location sur ce site. Donc, vous allez faire un tour à Los Angeles pour les vacances et vous vous demandez où loger. Eh bien, êtes-vous un fervent admirateur de Nirvana? Alors, cette annonce du site de logement Airbnb, est pour vous. Sur cette dernière, on peut lire « Chambre privée de Kurt Cobain, un lit plus une salle de bain, description sobre pour un endroit mythique et accessible pour seulement 365 $. Le chanteur de Nirvana et sa compagne Courtney Love, alors enceinte de leur fille France Bean, ont habité cet appartement de Los Angeles dans le quartier de Fairfax de 91 à 92 selon le journal Vulture. Son propriétaire actuel, Brandon Clayman, 31 ans, qui y vit depuis 2011, ne loue que très rarement sa chambre 4 ou 5 fois par an et l'ancien propriétaire dit qu'il a acheté l'appartement à ton. Et l'ancien propriétaire à qui il a acheté l'appartement ne lui a révélé le secret des anciens occupants qu'une fois le contrat signé. Pourtant, comme on peut le voir sur les photos de l'annonce, la chambre est bien en meilleur état que lorsque la rockstar l'habitait. Alors ça, c'est une bonne idée et on peut aller voir des images de cet appartement sur Airbnb. C'est assez mythique quand même. Moi, je trouve ça magnifique. Puis j'ai bien aimé Nirvana. J'ai jamais été le plus grand des fans. Mais quand même, c'est un pan important de la musique des années 90. Ça, il est bien sûr, c'est clair. Hein? Des policiers suédois en vacances à New York sont devenus des héros. Donc, 4 policiers suédois en vacances à New York ont accédé à une gloire soudaine quand ils sont intervenus pour séparer des protagonistes d'une bagarre sanglante dans le métro. Les 4 jeunes hommes, blonds et bien costauds, avaient pris le métro pour assister à la pièce Les Misérables sur Broadway jeudi le 23 avril quand le conducteur de la rame a soudainement fait appel à d'éventuels policiers qui seraient dans le train. Nous avons pensé que ça pouvait être... que quelqu'un pouvait avoir besoin d'aide, a raconté Samuel Carsvel. Un policier débutant de 25 ans dont les propos ont été rapportés par la police de New York. Les jeunes hommes ont alors trouvé 2 sans domicile fixe en train de se battre. L'un des gars était sur l'autre et donc on les a séparés, a ajouté Marcus Asberg, 25 ans, au New York Post. Asberg a protégé la victime qui saignait de la bouche pendant que ses trois collègues immobilisaient l'agresseur en attendant la police de New York. Une vidéo amateur de l'incident circulant sur Internet a mis en lumière l'intervention des 4 Suédois qui ont été reçus par les autorités de la ville vendredi Le chef de la police de New York, Bill Branton, les a remerciés en personne afin d'avoir mis fin à cette bagarre. Un privilège de rencontrer ces agents suédois pour les remercier toujours en service, a tweeté Bill Branton après l'entrevue, publiant des photos de la rencontre. Dans un autre genre, le site Mashable a trouvé les quatre agents particulièrement mignons et a ajouté les quatre hommes ressemblaient plus à des mannequins scandinaves qu'à des agents de police. Nous sommes venus ici en vacances, nous ne sommes pas des héros, juste des touristes, a ajouté Marcus Asberg au Washington Post. Ben oui, tout à fait, de beaux jeunes hommes, des Suédois, et puis ils ont fait plus que leur travail. Alors, on ne peut qu'en être fiers. Hein, quand c'est pour aider les gens comme ça, c'est le rôle que la police devrait avoir. Peut-être que la police américaine devrait peut-être prendre exemple sur ces policiers suédois. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, je vous envoie des petits trucs, 15 déchets alimentaires que vous ne devriez jamais jeter. Hein? Le gaspillage de nourriture est un problème assez, même très sérieux au Canada. Selon une étude publiée en 2010, les Canadiens jettent pour 27 milliards de dollars de nourriture chaque année. Donc, un item sur quatre serait jeté sans avoir été consommé. Des méthodes culinaires déficientes et une mauvaise conservation des aliments sont les deux raisons parmi lesquelles on explique un tel fléau. En l'honneur du Jour de la Terre qui avait lieu la semaine dernière, je vous envoie 15 façons d'utiliser vos déchets alimentaires plutôt que de les jeter. Là, je vais prendre les trucs de eux, puis je vais rajouter des miens aussi, parce que je suis déjà pas mal dans cette beat-là, moi. Premier truc, premièrement, ça ici, les tiges de brocoli, OK? Je peux même pas comprendre quelqu'un qui va jeter des tiges de brocoli. C'est le meilleur bout du brocoli. La tige de brocoli est 10 fois meilleure que la fleur au bout. Eux autres, ce qu'ils vous disent... Moi, je vous dis, coupez-la. Vous avez qu'à les peler un peu. Hein? On pèle légèrement parce que la croûte peut être un peu coriace. Et puis, on les sert crus à la vapeur ou rôtis. On les fait cuire comme les autres tiges. Moi, je comprends même pas si vous jetez ça. À moins qu'ils soient plus bonnes, pourries, brunes. Mais là, achetez des fruits, des légumes frais quand même. Les bouts de courgettes. Hein? Nettoyez les bouts de courgettes et faites-les bouillir avec une cuillère à thé de sel. Trempez-les ensuite dans de l'huile d'olive pour créer une entrée savoureuse. Oui, mais pourquoi tu jettes le bout de la courgette? C'est ce que je comprends pas. Si tu fais des tranches ou si tu fais des languettes de courgettes, tu gardes ça puis tu le gardes avec toi. Mais en tout cas, il te donne un truc ici quand même. Ça ici, ça c'est le premier que je trouve qui a du sens, qui m'apprend quelque chose. Les pelures de fruits. Les pelures de fruits ajoutent de la saveur aux boissons, aux smoothies ou même au thé. L'écorce de citron est particulièrement délicieuse lorsque elle est confite ou lorsqu'elle est frite. Alors, ne jetez plus vos pelures de fruits. Les coquilles d'œufs. Ça, hein, c'est le meilleur truc pour faire un engrais naturel. Si vous avez des poules aussi, vous pouvez les donner... À vos poules, les poules vont remanger la coquille. C'est pas des jokes. Donc, vous pouvez utiliser les coquilles d'œufs comme engrais naturel, comme produit nettoyant et même pour adoucir le goût de votre café. Ajoutez une coquille d'œuf dans le filtre de votre cafetière pour une infusion qui serait plus onctueuse. Mais là, par exemple, on en apprend vraiment. Le gras de bacon. Conservez le gras du bacon pour cuisiner d'autres plats décadents. Tous les gras animaux comme ça, là, comme... Si vous faites du canard, des trucs comme ça, ne jetez jamais le gras comme ça. C'est scandale, c'est scandalisant. On garde ça pour se faire une bonne bouffe, se faire une vraie poutine dans le gras de bacon. On se fait les patates douces dans le gras de bacon. On peut faire confire un poulet dans du gras de bacon. Les possibilités sont infinies. Et puis, savez-vous que le gras de bacon aussi, vous pourriez vous en faire un savon, hein? Avec le gras de bacon, savon aussi, on garde ça. La croûte du parmesan. La saveur est riche et salée. La croûte du parmesan en fait un idéal pour les soupes et les bouillons. Donc, ce qui est plus râpable parce que c'est trop sec, premièrement, là, avant même le truc des 15 aliments là, à ne pas jeter, là, moi, dans mon frigidaire, puis je vous conseille de faire la même chose, on se prend un gros Ziploc là, qui va au congélateur ou un autre sac, peu importe, qui va être réutilisable. Et puis toutes les bouts, les pleurs, les bouts de légumes un peu moins jolis, les restants d'oignons ou les restants de petits légumes qu'on n'a pas utilisés dans le repas, on pogne ça puis on met ça. Moi, j'appelle ça, c'est mon sac à compost. Sauf que le sac à compost va faire les meilleurs bouillons du monde parce que je mets aussi mes os de poulet là-dedans. J'arrange une pièce de viande, je vais mettre mes bouts de viande là-dedans. On met tout ça au congélateur, puis une fois par semaine, une fois aux deux semaines, selon le moment que vous êtes capable de le remplir, votre sac de compost, eh bien, on passe ça sur le bouillon pendant 2-3 heures à feu doux, plein d'eau. On filtre ça, et puis ça va être le meilleur bouillon pour n'importe quoi. Et puis là, justement, la croûte de parmesan ou des croûtes de fromage qui sont dures, mettez ça dans le sac à compost. Vous allez voir, c'est d'un bonheur. Et puis, vous allez être tellement heureux. Pour vrai, quand vous allez construire, quand vous allez composer votre menu, puis vous allez utiliser plein de trucs recyclés, mais qui sont tout à fait frais. En plus, c'est bouilli pendant 3 heures. Fait que même si le morceau de patate il a tombé à terre, ça change à peu près à rien. Vous comprenez? C'est bouilli pendant 3 heures. Alors, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus de bactéries là. On filtre ça, et puis ça va vous faire le meilleur des bouillons. Sinon, les plures de pommes de terre, eh bien, faites frire vos plumes de pommes de terre, peut créer un délicieux plat d'accompagnement. Même chose, les plures de pommes de terre, quand vous faites vos patates pilées, hein, souvent on va les peler, puis après on va les mettre dedans, eh bien, c'est un truc inutile. Vous pouvez les faire bouillir avec l'eau, avec la plure dessus. Même la plure va s'enlever toute facilement si on fait une petite incision tout le tour de la patate. Seule chose qui est importante, c'est là, si vous voulez les faire frire puis les manger, il faut que vos plures soient belles. Hein? On n'attend pas qu'ils deviennent molles puis avec des tubercules qui poussent dessus. Hein? On comprend. C'est ça. Autre petit truc, eh bien, le céleri qui serait flétri. Eh bien, pas compliqué. Hein? Ça aussi, le céleri flétri, on met ça dans un bouillon, dans un ragoût, dans notre sac à compost pour faire nos bouillons de légumes et bouillons de viande. Puis ça va y donner un goût tellement plus intense. Le céleri dans les bouillons, c'est vraiment important. La peau du saumon, eh bien, faites frire la peau du saumon et ajoutez-la à une salade. Ça va vous faire des petites chips croustillantes qui vont ajouter une petite protéine là, dans votre salade. Sinon, les grains de café, le café moulu et le café instantané. Utilisez un petit contenant de café pour éliminer les odeurs de votre réfrigérateur ou de votre congélateur. Donc, une fois qu'ils sont utilisés, on le prend puis on le laisse ouvert. Ça va vous donner une bonne odeur au lieu de sentir le vieux congélateur. Sinon, les plures de tomates. Eh bien, moudrez vos plures de tomates pour en tirer une poudre savoureuse parfaite pour vos ragoûts et vos sauces. Donc, on peut moudre, on laisse sécher la peau de la tomate. Celle-là, là, pour vrai, je la prends, puis c'est sûr que je vais la faire. On laisse sécher les plures de tomates bien secs, et ensuite, on les moue pour en faire une poudre d'assaisonnement aux tomates. Sérieux, l'idée est magnifique, puis je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite avant. Les tiges de la bêta-carde. Rôtissez les tiges de bêta-carde pour en faire une délicieuse collation santé. Le vieux pain, eh bien, ça aussi, je le fais déjà. Votre vieux pain, eh bien, il est sec. Vous avez un bout de pain, eh bien, pas de problème. Laissez-le sécher à l'air libre. Pas de problème. Ensuite, on le moue. On le passe à la râpe, là. Et puis, on râpe ça. On se fait une belle chapelure gratuite. Puis, en plus, on réutilise. Les os, les coquilles de fruits de mer, les restants de poulet, os, de toute la viande possible, eh bien, ça aussi, gardez ça, mettez ça dans le sac à compost et puis vous ferez votre bouillon avec. Une vieille salade de fruits. Une salade de fruits d'attente quelques jours peut être transformée en cocktail ou en smoothies. Autre bonne idée, hein? Pas de problème. C'était 15 déchets ou 15 restes alimentaires dont vous ne devriez jamais vous défaire. Très, très bonne idée ici. Vraiment, plus d'une. Et puis, tiens, après avoir fait un petit survol de comment sauver, pas seulement de l'argent, sauver notre planète, eh bien, allons donc visiter cette planète. Je vous propose les 8 villes les plus pittoresques d'Europe. Là, moi, ça va me donner le goût de lâcher le micro, prendre l'avion, puis pitcher mon temps, puis me pitcher en Europe. Donc, les villes les plus pittoresques, je vous envoie ça immédiatement. On se transporte vers la France, à Aizé. Donc, un village qui est percé dans l'excellence de la Côte d'Azur. Aizé offre des centaines de vues les plus spectaculaires au-delà de celles offertes par les télescopes de la NASA. Le jardin d'Aizé, en particulier, offre un panorama à couper le souffle de la ville, en plus des châteaux en ruine et des lieux qui sont plus qu'apaisants. Assurez-vous également d'explorer le village médiéval où vous pouvez vous balader à travers des maisons pittoresques et un mélange de boutiques ainsi que de galeries. Donc, c'est Aizé en France. à Luc. Luc, hein, qui s'est fait attaquer dans les Borgia l'autre fois. J'écoutais, je sais pas si vous avez vu cette série-là, une excellente série, les Borgia. Luc, c'est en Toscane, en Italie, cette ville aussi décontractée qu'élégante, est entourée de remparts datant du 16e siècle, aujourd'hui transformée en une sublime promenade. Avec 99 églises et rues pavées, il y a beaucoup à voir. La circulation est limitée à l'intérieur des limites de la ville et fait également de Luc un endroit idéal pour se promener à vélo. Magnifique. Sinon, on se transporte, on lâche l'Italie pour le Portugal. On s'en va à Sintra, un glorieux Éden. Voilà comment Lord Byron décrivrait Sintra. Lord Byron, qui était une vedette rock à l'époque. Hein? Rock dans la poésie de ce temps-là. Là. Une ville située à l'ouest de Lisbonne qui servait jadis de lieu de retraite pour la royauté portugaise. C'est un endroit magique composé de palais magnifiques, de jardins et de manoirs luxuriants. L'UNESCO a inscrit la ville entière comme site du patrimoine mondial en raison de sa sublime architecture. Et si vous avez la chance de visiter cette ville, assurez-vous d'explorer le palais national de Pena, un château sorti tout droit d'un conte de fées entouré d'un parc à couper le souffle, à voir absolument. Sinon, à Delft, aux Pays-Bas. Eh bien, Delft serait la ville la plus attrayante des Pays-Bas et elle est comme une sorte de mini Amsterdam avec ses canaux, ses rues pavées et l'impression d'un temps où tout était beaucoup plus simple. Plus vous reconnaîtrez l'atmosphère détendue émanant de plusieurs toiles, du célèbre citoyen de Delft qui était le célèbre peintre Johannes Vermeer. Sauf que moi, ce qu'il me dit, que ça va vous faire comme une mini Amsterdam. Pourquoi pas aller à Amsterdam? Peut-être que c'est pas assez pittoresque, peut-être que ça a trop évolué. Mais moi, les photos qu'on me montre en ce moment de Delft, parce que je suis pas allé à Delft, mais je suis allé à Amsterdam, ça y ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Moi, j'aurais cru que c'est à Amsterdam. Sinon, on se transporte en Suisse, dans les Alpes bernoises. On s'en va à Muren. Muren, c'est un village Arche de Noé, situé à plus de 5400 pieds au bord des montagnes. Muren offre une vue incomparable de la Jungfrau et de l'Elger. C'est ici qu'est né le slalom et le ski alpin. Il s'agit toujours d'un endroit magnifique où dévaler les pentes. Vous pouvez skier dans la région ou vous aventurer jusqu'au sommet de l'Europe par l'entremise du chemin de fer de la Jungfrau. Vraiment, là, ça, c'est des paysages à couper le souffle. J'ai jamais eu l'occasion de voir en vrai des paysages pareils, mais disons que ça ne serait pas pour me déplaire. Sinon, autre ville que j'ai visitée, quand même, ça, c'est intéressant. Et c'est vrai, c'est une ville absolument à voir. Je vous propose de vous rendre en Belgique, à Bruges. Connue comme la Venise du Nord, eh bien, Bruges est l'une des plus belles petites villes d'Europe. En se promenant à travers son labyrinthe de ruelles pavées, de canaux et de ponts romantiques, il est facile d'y voir pourquoi l'UNESCO a inscrit la ville médiévale comme site du patrimoine mondial. Tandis que vous admirerez la région, vous pouvez faire un arrêt dans l'une des plus bonnes et nombreuses chocolateries de la ville. Il y en a plus de 50 où vous vous délecterez d'une ou de plusieurs bières locales dans des brasseries, des pubs ou où on nous sert de la bière d'abbaye. Hein? Les moines là-bas, ils savent faire le bon bouillon, comme on dit. Non, mais sérieusement, Bruges, là, je fais juste revoir le titre, je veux juste revoir le nom de cette ville et puis je me sens transporté. Sinon, on s'en va en Grèce, à Mykonos. Ah ben oui, ça, c'est des photos qu'on voit toujours là, dans des restaurants grecs ou dans des affiches de gens qui vendent des voyages, des agences de voyage. Donc, tous les types de voyageurs profitent des plages magnifiques et de la vie nocturne endiablée, mais le rythme de la vie d'autrefois demeure inchangé dans les rues labyrinthiques de Mykonos. Non seulement les hôtels et les cafés sont à tomber par terre, mais les célèbres moulins semblent prendre la pose spécialement pour votre caméra. Donc, c'est ça, c'est tout est blanc et bleu. C'est magnifique et c'est la Grèce dans sa plus belle splendeur. Sinon, on va terminer notre tour d'horizon en Allemagne, à Rothenburg-Oder-Tauber, ou le Château Rouge sur la Tauber, était jadis une ville marchande construite autour des ruines d'une église datant du 12e siècle. La ville semble d'ailleurs trop belle pour être vraie, avec ses tours, ses fontaines, ses maisons à colombages et ses explosions de fleurs un peu partout. Le ralentissement économique ayant suivi la guerre de 30 ans a eu l'effet bénéfique de préserver la ville du passage du temps. temps. C'était les villes les plus pittoresques à voir en Europe. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le début des heures de grande écoute. Donc voici Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'un jeu. Bonjour Marie-Laurence Audet. Bon matin. Ça va bien. Ça va bien vous? Oui. Tellement. Ça finit bientôt, tu sais. C'est la dernière de l'hiver. C'est ça, de l'hiver, exactement. Ouais, c'est l'été, là, en ce moment. C'est pas mal le début du printemps, en tout cas. Hein? La dernière, période. On est mi-printemps. Mi-printemps. Ce que je voulais dire, c'est la dernière chronique de la session d'hiver. Oh! Voilà. Et on est heureux de te recevoir jusqu'à la toute fin, parce qu'il y en a bien qui nous ont abandonné avant ça. Hein? Je suis là. Donc, Marie-Laurence, c'est et le loisir. On les nomme. On les nomme, c'est ça. Et la liste défilée là en bas de votre écran. Donc, le loisir, bien plus qu'un jeu, c'est une chronique sur le divertissement. Ça ratisse large pas mal. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine-là? C'est vraiment d'actualité, en fait. J'ai trouvé un écrit daté de 2015, donc là, c'est pas 2014, c'est 2015, c'est en plein là. Et ça parle de la place du loisir dans les services municipaux en cette période d'austérité. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus actuel présentement. En fait, c'est qu'on ne se le cachera pas que le loisir est souvent dans les postes budgétaires la première rang de front pour être coupé. La première pelure de l'oignon. Exactement. J'étais à la poubelle. C'est ça. Lors des grandes coupeurs. Puis en ce moment, on est dans une période de restrictions économiques, d'austérité. Regardez, j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi l'austérité. On en parle. Puis justement, une manifestation demain. Drôle de hasard, vendredi, le 1er mai. Exactement. Voilà. Donc, en cette période d'austérité, où se situe le loisir dans les services municipaux? C'est quoi sa représentation? Comment on peut un peu convaincre les élus qu'il en vaut encore la peine? En fait, c'est que malgré qu'il est, comme je disais tantôt, sur le premier rang des coupeurs, il a aussi été prouvé à travers les années qu'il y avait un très gros impact social, culturel, économique, financier sur les différentes communautés locales. Puis ça, je vous le répète de semaine en semaine. Je veux dire, on le voit, les preuves sont là, les chiffres sont là, les écrits sont là. On réalise que dorénavant, le loisir représente plus un investissement qu'une dépense, malgré qu'il y a des dépenses reliées à ça, mais qu'il y a des bienfaits et un investissement à long terme. Puis nous mettant en contexte au début en disant, imaginez une communauté, une ville où est-ce qu'il n'y aurait aucun terrain de soccer, aucune piste cyclable, aucune ligue de hockey, aucun club pour aînés, aucun loisir scientifique, aucune maison des jeunes, aucun scout, ouais. Aucun camp de jour, où est-ce que ce service de garde-là pour les jeunes, ça représente une portée de 300 000 enfants. Je veux dire, juste ces éléments-là que je vous nomme, que vous y participiez ou pas, vous savez tous c'est quoi. Mm-hmm. Vous voyez l'impact que ça peut avoir de couper dans tout ça. Vous voyez le vide que ça peut créer dans une ville, dans un village, dans une communauté. Puis, on n'est pas à l'abri des coupures. Regardez, ça, c'est gouvernemental, c'est l'économie qui roule et tout. En 2014, on a enregistré que 300 millions de dollars étaient donnés en moins pour chacune des municipalités. Là, les municipalités reçoivent la nouvelle, puis c'est eux qui doivent, à l'intérieur de leur budget, autogérer dans les différents éléments dans lesquels ils doivent couper. Traditionnellement, comme le loisir était dans tous les postes budgétaires de dépenses sociales, dépenses communautaires, luxe à se payer quand on aura de l'argent, il était plus sur la ligne de front. Mais maintenant, les conseillers municipaux essayent de le placer aussi important que niveau de la police, niveau de la salubrité, niveau des transports, parce qu'on a vu les bienfaits que ça avait. En fait, c'est qu'il a aussi été ressorti qu'en 2008, lors du Congrès mondial du loisir qui s'est tenu à Québec, il y a eu ce qu'on a appelé la Déclaration de Québec. Ça, Déclaration de Québec, c'est un peu comme les droits et libertés. L'indépendance, ouais. C'est pas une portée légale de la même manière, mais c'est vraiment un regroupement de personnes qui a mis de l'avant des faits concernant le loisir. Puis ils ont dit que le loisir, c'est une citation là. C'est bien plus qu'un jeu. Plus que t'as pris ton titre. Exactement. Non. Je suis sûr qu'ils vont en parler dans 10 ans de ce élément-là. Mais eux, ils ont parlé que le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur communauté, tant qu'à leur développement social, culturel et économique. Cette déclaration-là, à Québec en 2008, a été portée et signée par plus de 4000 personnes qui étaient les participants à ce gros congrès mondial-là, qui représentait 70 pays et des gens des 5 continents. Donc, on voit que la portée, maintenant, là, c'est un écrit pas normé, parce que c'est pas légal comme une loi, mais c'est vraiment comme un règlement. Les gens peuvent se retourner vers ça et dire « Regarde, il y a un impact, regarde, les écrits sont là. » As-tu eu Barack Obama pour ça? Bah, sûrement, là, mais il était pas dans l'article. Mais... Okay. C'est sous-entendu. Puis, il faut voir aussi que quand on parle de couper en loisirs, c'est plus que juste couper des heures de glace. C'est une répercussion sur toutes les richesses des municipalités et sur les coûts des autres services autour. Je m'explique. Quand on parle de la richesse des municipalités, c'est que le loisir peut apporter des revenus externes. Quand on parle de festival ou autre, il va aller chercher des gens en dehors de la municipalité, de la nouvelle argent qui rentre. C'est ça qui fait rouler aussi le plus l'économie. C'est pas juste de faire toujours payer les mêmes personnes pour les services. Puis, quand on parle des coûts afférents, on va parler... Tu sais, on n'y pense pas à première vue, à première pensée, là, mais quand... Une communauté n'a rien à faire, quand des jeunes n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? C'est du trouble. Fait que juste relié au côté criminel, au côté de la police, au côté des pompiers et tout, on se sauve des coûts énormes parce qu'on les occupe. Ça ben oui, sinon ils font de la drogue. Ouais, mais de la drogue, c'est que ça ne rentrera pas dans ce niveau de dépense-là. Moi, je parle plus au niveau, le jeune qui n'a rien à faire, qui met le feu à la poubelle. Ouais, des graffitis. Qui met des graffitis qu'il faut falloir... repeinturer le pont, rebâtir telle affaire qui a brisé les modules dans les parcs et tout. Va dérailler un train. Ouais. Ah. On va faire ça. Ouais. Ouais. Sous-estime le pas. Mais ça coûte beaucoup plus cher, ces éléments-là, une fois que t'as pas le choix de réagir et d'intervenir, parce que sinon, tes modules, il y en a plus, ton pont, t'as pas le choix de réagir, sauf que d'avoir fait une ligue de hockey, ça t'aurait coûté des peanuts à côté de tout ça. Mmh. Puis en plus, le jeune se serait épanoui, se serait développé de la responsabilité, une appartenance, son sport qu'il aurait mis en fond. Tu sais, je veux dire, c'est juste des bienfaits. Ouais. On parle aussi de l'attraction des habitants quand une municipalité roule économiquement. Les gens vont être portés à aller habiter là, vont être portés à aller se faire bâtir une maison là, vont être portés, OK, là, on va développer des services avec les écoles. Il y a des revenus qui viennent avec ça. Je veux dire, c'est juste positif. Ça génère aussi une santé physique pour la communauté. Parce que le fait de les occuper, comme je disais tantôt, une ligue de hockey ou peu importe, fait en sorte que les gens sont en santé, sont en forme, et les coûts reliés au niveau de la santé, des hôpitaux, des traitements, des médicaments, ça diminue. C'est interrelié. Puis, c'est ça. Sinon, un autre fait que je trouvais vraiment intéressant, c'est que l'industrie du tourisme, du divertissement, de la culture, de la qualité de vie, vous savez, ça représente combien de pourcentage du PIB au Québec? Est-ce que c'est essayez, pas... Essayez. J'aime, mais le chiffre 33%. Ça fait moyen. On parle du PIB total du Québec, là. 3%. OK, plus. Quand tu vas au milieu des deux, là. 15%. C'est 18%. Ah, mais c'est proche, énorme. Hein? Oh, oui, 3-4 shots plus de ça. Plus, tu l'aurais peut-être. C'est énorme de penser qu'un élément que certains considèrent comme un luxe représente quand même 18% du PIB du Québec. Ouais. Je veux dire, c'est pas négligé. Puis il y a une chose qui est intéressante aussi. Ils ont sorti un budget des différents services municipaux. Puis ils ont dit les différents services, ce qu'ils nous demandent en termes d'investissement, puis les bienfaits qu'ils apportent. Fait que c'est les services rendus à la communauté versus la charge financière qui est demandée pour voir à quel point ça vaut la peine d'investir pour ce que ça te rapporte. Puis, concernant la cause budgétaire des loisirs et culture, ça faisait service rendu pour 29% pour une charge de 14% du budget. Donc, c'est doublé. Les bienfaits financiers et économiques sont doublés. Puis, il disait aussi que le pourcentage estimé de la contribution des acteurs concernant l'offre de services municipales, t'avais des gens... de la municipalité, des organismes sans but lucratif et tout. Mais ce qui était le plus haut placé, c'était le bénévolat. Le bénévolat est relié avec le loisir. C'est ce qu'on stimule à travers des clubs pour aînés, les jeunes qu'on leur fait s'impliquer dans leur milieu et tout. Donc, quand tu parles que 38% de la contribution municipale, c'est du bénévolat, si tu coupes dans le loisir, tu coupes aussi dans ton bénévolat. Puis ça, ça a une valeur sans être une dépense. Ça, c'est pas à négliger non plus. Puis, à travers tous ces chiffres-là, il disait le loisir a fait ses preuves. Le loisir, c'est des dépenses qui génèrent un développement économique. Et il soulignait que dans une société où est-ce que la qualité de vie était devenue une valeur essentielle aux yeux des individus, on n'arrête pas d'en parler. On veut une qualité de vie, on veut que ce soit pour des horaires de travail, pour n'importe quoi, là. On veut un équilibre dans nos vies, on veut avoir du temps pour nous. On veut... Où est-ce que l'économie repose vraiment sur les biens physiques qu'on peut s'acheter pour le plaisir? En tout cas, quand j'ai accès à un surplus d'argent, je vais pouvoir me gâter, je vais pouvoir faire des voyages, je vais pouvoir m'acheter une grosse télé. Quand c'est basé sur la qualité de vie de ta communauté, quand c'est basé sur les services et dépenses que tu peux faire pour le plaisir, on réalise que le loisir a vraiment sa place, puis que le gouvernement il a décidé de plus s'investir en tant que levier qu'en tant qu'acteur du changement. Fait que tant qu'à avoir pris ce rôle-là, il faut qu'il garde les éléments autour de lui qui vont faire générer l'argent, qui vont faire générer les bienfaits dans la communauté. Lui, il ne peut pas être partout sur le terrain en même temps. Il ne peut pas aller serrer... Tu sais, oui, il va serrer des mains dans les campagnes municipales, mais il ne peut pas, lui, tout seul, sur le terrain, faire une différence. C'est des équipes, c'est les processus mis en place. Donc, il a vraiment prouvé que le loisir public participait beaucoup au développement, puis à peu de frais. Donc, il répond à ce besoin-là qui est recherché. Donc, c'était ça, toutes les chiffres garochés ce matin, mais qui veulent dire beaucoup en cette période d'austérité-là. On n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de parler des coupures, mais regardez un peu des fois qu'il faut investir pour développer, ou au moins pour maintenir, parce que ça a des effets plus graves. Une excellente morale sur laquelle se quitter, je pense, Marie-Laurence Audet, n'est-ce pas? Oui. Je pense que oui. Moi, je t'émue. Des sages paroles, oui. Émue Laurence Audet. Passe. Passe. Suivant. Décoché. Piège à ours. Oh, boy. Ah, une patte d'ours. Non, mais il y avait, tu sais, l'ultimatum. Oui, oui, ben oui. Il va en ponton. Oui, il va en ponton. Oui. Tout. Il n'y avait pas de patte d'ours. Oui, non, un piège à ours. Un ricochet puis un miroir. Va voir ses interwebs, mais ça snack quelqu'un l'autre jour. Aïe, et pour vrai, elle a vérifié puis c'est vrai. Sûr de ça. Un piège à ours. Ça devait être dans la version 2.0. Peut-être quand ils l'ont rebooté. Hey Steph, pige dans mon panier, je sais pas si tu te rends jusque-là. Je pense que j'ai laissé mon bracelet orange de Loot Crate dedans. Il me semble parce que je regarde le poignet de Marie-Laurence depuis le début de la chronique. Là. Puis elle a elle aussi la même paracord, ok? Et ce bracelet-là, j'ai arrêté de le mettre parce qu'il ne me fait pas parce que j'ai trop des gros poignets. Ah! Puis Marie-Laurence, je suis sûr qu'elle Qui dit gros poignet. Il bend trop grand. Ça a pas d'allure comment il est trop grand. Il bend trop grand. Mais non, mais là, c'est Marie-Laurence qui est trop petite. C'est pas la même sorte de bracelet. Je me disais que ça pourrait te porter bonheur d'en avoir deux. Mais non, regarde, tu pourrais rentrer mes deux poignets bon, dedans. Mais laisse parler. Marie-Laurence, petit poignet. Une jarretière. Une jarretière, c'est ça. Hey, c'est son nouveau surnom amérindien, Marie-Laurence, petit poignet. Donc, bon été avec les Amérindiens. Merci. C'est un beau totem, ça. Oui, c'est ça. Petit poignet. Marie-Laurence, Audet, ton thème, ça. Ton thème beaucoup. On va revenir à l'automne. Ouais. Bon été. Merci. Puis à la prochaine. Salut. Amuse-toi. Oui. Have fun. Clin d'œil. YOLO, yo. Hashtag swagger. OK, donc, ça va aller, hein. C'était rassuré désagréable. Je suis allé trop loin. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien, je vous envoie ici tout de suite 13 faits incroyables que vous ne saviez sûrement pas sur la Chine. Eh bien oui, non, la Chine, ce n'est pas seulement la grande muraille de Chine, puis d'aller manger du riz hein, au magasin pas loin. Non, non, la Chine, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment un univers à part. Premièrement, en Chine, à Pékin plus précisément, eh bien, l'inhalation de l'air pollué revient à fumer 21 cigarettes par jour. Juste de respirer l'air dans la ville de Pékin. Saviez-vous aussi que la PlayStation est illégale en Chine? Seulement les Xbox sont autorisés. Hein? 4 millions de chats sont mangés en Chine chaque année. Quand même, hein? Un autre fait assez hallucinant ici, c'est les œufs à la coque cuits dans de l'urine de jeunes garçons vierges sont une spécialité de Dongyang. Ceci améliorerait la circulation sanguine et favoriserait le refroidissement du corps pendant les grosses chaleurs. Hein, vous saviez pas ça, hein? Des petits œufs à la coque cuits dans le pipi de jeunes garçons vierges. Il me semble que ça fait recette de sorcière. Hein? En Chine aussi, il y a 4 fois plus d'exécutions en Chine que dans d'autres pays, dans tous les autres pays réunis. Ça brasse assez sévèrement. Aussi semble-t-il, le ketchup serait originaire de Chine. En fait, ce serait à la base une sauce à base de poisson qui était nommée le ketchup. Ketchup, et non pas le catsup, là. C'est K-E, trait d'union, T-S-I-A-P. Ketchup. OK. Le plus long embouteillage du monde a duré 12 jours et ça s'est produit à Shanghai. Tout à fait. On apprend aussi que la pollution de Shanghai est tellement intense qu'elle serait responsable d'un tiers de la pollution de la ville de San Francisco, qui est l'autre côté complètement de l'océan Pacifique. Assez particulier quand même. On apprend aussi que 1 million de fœtus féminins sont tués chaque année à cause de la politique de l'enfant unique. Autre fait qu'on ne connaît pas hein, en Chine, ça c'est assez particulier, pour entraîner les soldats chinois à garder le menton bien haut, le cou bien droit, eh bien une aiguille est placée à l'envers sur leur col. Fait que si ils rebaissent le cou, ben ils se piquent littéralement le cou. On apprend aussi qu'en Chine, 100 millions de Chinois vivent avec moins d'un dollar par jour. Toujours en Chine, les oies sont utilisées pour garder certains postes de police à la place de chiens. Hein? En Chine aussi, Google a un partenariat avec beaucoup de maisons de disques qui permet ainsi aux internautes de télécharger gratuitement et légalement à cause de cet accord, justement. Donc, c'était les 13 petits faits que vous ne saviez peut-être pas par rapport à la Chine. Restons dans les faits et les secrets et les choses qu'on ne sait pas. Eh bien, je vous parle de Game of Thrones, 12 secrets de tournage qui ont été révélés par les acteurs de cette série. La dernière saison de Game of Thrones s'éloigne tellement de la trame du livre que les fans peuvent facilement avoir l'impression d'en savoir moins que Jon Snow, alors que lui-même est totalement ignare. L'heure est venue d'inverser la tendance pour ceux qui ressentent le besoin d'en savoir plus. Les acteurs de Game of Thrones distillent ici des secrets de tournage. Voici 12 infos étonnantes sur Game of Thrones qui vont de la profondeur du principe de la Porte de la Lune à la menace que représente le sang factice pour Emilia Clarke, peut-être plus dangereuse que celle des de la harpie. Là, j'aime mieux vous avertir, cet article contient de nombreux spoilers si vous n'êtes pas à jour dans la saison 4. Et puis même, donc, je vais me spoiler moi-même. C'est triste, mais c'est de même, parce que je ne l'ai pas écouté encore la saison 4. Je vais m'y mettre bientôt. La saison 3 est excellente. Alors, on y va. Donc, Emilia Clarke a une fois disparu du plateau parce qu'elle était coincée aux toilettes. Et c'est qui, la belle Emilia Clarke? Eh bien, c'est la belle blonde, là, la mère des dragons. C'est la femme magnifique, hein? Je pense que c'est la plus belle fille qui est sortie d'Hollywood depuis plusieurs années. Elle explique à Jimmy Kimmel que pendant la série du cœur, la scène du cœur du cheval, eh bien, le sang factice s'est répandu de manière embarrassante et c'était difficile à enlever alors que le tournage continuait et moi, j'étais coincé aux toilettes. Hein? Les mêmes acteurs combattants à la fois dans la garde de nuit et pour la maison Targaryen. Targaryen, oui, on le comprend, hein, y a tellement de monde là-dedans. C'est Bobby Olin Henton qui est un cascadeur sur Game of Thrones qui, lorsqu'on lui a demandé s'il avait participé aux batailles sur le mur et s'il était allé dans d'autres pays aussi, eh bien, Henton a répondu au journal « Oui, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais j'étais en Espagne à faire des trucs et en même temps à Belfast à faire d'autres trucs. » Il semble donc que certains acteurs combattent toujours du côté des vainqueurs, quelle que soit la personne qui emportera le trône. On comprend, hein, c'est une série. Alors, quand les gens sont en armure et puis qu'on le voit à peu près juste les yeux sortir de leur casque de guerre, eh bien, on peut réutiliser les mêmes comédiens. On le comprend très, très bien. Sinon, la couronne d'or de Viserys, ou peut-être je le dis mal, là, était en fait une solution de gélatine. Hein, c'est dans une interview via Reddit, Harry Lord, alias Viserys Targaryen, eh bien, il a révélé que sa couronne d'or était en fait une combinaison de différents effets spéciaux. L'acteur a écrit que les ingrédients étaient dans un grand bol de peinture dorée gélatineuse, un fumigène sanglé sur ma poitrine, une jolie calotte dorée moulée à la forme de mon crâne et un peu d'image de synthèse, ainsi que des effets sonores pour mettre un peu plus de réaliste là-dedans. Hein? Ça faisait des scènes assez extraordinaires. Oberyn aussi, qui déambule en costume de scène dans son appartement. Pedro Pascal a révélé dans un chat pour HBO que le créateur des costumes lui avait confectionné un habit un peu ridicule. C'était comme si je mettais la peau de mon personnage sur mon corps. J'ai pris cet habit à la maison et je m'habille parfois avec chez moi, a écrit l'acteur. Autre fait sur Game of Thrones, eh bien, une séquence de 3 secondes peut nécessiter jusqu'à 6 semaines de préparation. Séquence de 3 secondes. En discutant avec le journal des préparatifs pour la cascade, Anton nous a affirmé qu'il y a une séquence qui ne faisait que 3 ou 4 secondes et qui nous a demandé 6 semaines de préparation. Pour être fin prêt, une journée complète de tournage peut en fait ne représenter que 3 secondes à l'écran. OK, mais on aurait aimé savoir quelle est cette scène. Sinon, la porte de la Lune, hein, eh bien, en fait, elle ne fait qu'un mètre de profondeur. Hein. Pourtant, c'est une porte qui est ouverte presque sur le vide abyssal. Hein. Pendant une discussion avec Maisie Williams sur les DVD de la saison réalisée par HBO, Sophie Turner a reconnu que la porte de la Lune n'est pas aussi profonde qu'elle le paraît. Ça ne doit faire qu'un mètre de profondeur, a-t-elle dit. C'est juste un fond vert et on met un matelas de protection par-dessus. On s'en doutait, hein? Tywin a appris par l'intermédiaire d'un fan qu'il allait mourir. Ça, c'est triste, hein? Eh bien oui, lors d'une table ronde organisée par HBO avec les acteurs disparus de Game of Thrones, l'acteur Charles Dance a révélé qu'il ne s'attendait pas du tout à mourir jusqu'à ce qu'un fan lui dise qu'il allait jouer une super scène pour sa mort. C'est à ce moment-là qu'il a appris, il en a appris tous les détails. Parce qu'on le sait, Game of Thrones existe en livre. Alors, les gens peuvent savoir ce qui va arriver au personnage avant même que ça soit tourné. Sinon, 8e fait sur Game of Thrones, les acteurs se chapardent leurs armes entre les prises. L'équipe de cascadeurs essaie de maintenir tout le monde sur le qui-vive entre les prises et Anton a révélé au journal que parfois, juste avant la prise, ils se chapardent une arme en l'arrachant des mains d'un acteur qui doit alors la récupérer en vitesse, juste avant le début de la scène. Peter Dinklage et Lena Headey évitent de croiser leur regard pendant les scènes sérieuses pour ne pas éclater de rire. Dans une interview via Reddit, Dinklage a expliqué qu'avec Lena Headey, ils évitent parfois de croiser leur regard. Les gens pensent que l'ambiance sur le plateau est très sérieuse, dit-il, mais les scènes les plus sérieuses peuvent générer les plus grands éclats de rire sur scène. Quand on parle de Dinklage, là, c'est celui qui joue le nabo, qui joue le nain, un des personnages finalement les plus intéressants de Game of Thrones. Le loup d'Aira joue maintenant les autres loups. Okay. Après que ma chienne a fini de jouer Nymera, eh bien, elle a en fait continué en jouant Shaggy Dog, qu'ils ont fini par faire mourir, a révélé William lors d'une interview sur Reddit. Elle a poursuivi, elle était de celles qui se comportaient le mieux parmi tous les chiens, donc elle a fini par jouer tous les autres loups, même si à l'origine, elle m'appartenait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben non, mais c'est le fun de travailler avec son animal de compagnie. Sophia Turner éprouve un profond dégoût pour les gâteaux au citron. Dans son commentaire sur le DVD d'HBO de la saison 4, Sophie Turner dit que les fans lui envoient sans arrêt des gâteaux au citron, le dessert préféré de Sansa. Mais au fond, elle déteste les gâteaux au citron plus que tout autre gâteau. Donc, les fans, arrêtez d'y envoyer des gâteaux au citron. Hein? Jason Momoa pensait que la langue d'Othraki, sonnait comme le Jabba le Hutt et l'ours Fonzie. OK. Donc, après avoir expliqué lors d'une table ronde au Comic-Con de San Diego qu'il pensait que cette langue sonnait comme un mélange des paroles des personnages de Star Wars et de Sesame Street, il a lancé « Waka Waka » sur les rires de la salle. « Et je veux ce boulot à tout prix », a-t-il continué. « Je ferai n'importe quoi pour l'avoir. » Le Dothraki, c'est ça, Dothraki. Désolé, c'est parce que, tu sais, moi, j'avais jamais lu toutes ces choses-là. J'écoute la série, mais des fois, les termes qui sont écrits, là, je savais pas comment ça s'écrivait. Sinon, Hodor est en fait assez bavard sur le tournage. On connaît Hodor qui dit tout le temps « Hodor, Hodor ». Hein? Eh bien, quand nous lui avons demandé si Christian Nairn, l'acteur qui joue Hodor, était bavard, eh bien, Isaac Hampstead Wright s'est exclamé « Oh que oui! Christian et moi, on se marre bien ensemble. » Et l'acteur qui joue Bran précise « Il a un humour très fin et un pince sans rire qui me fait rire aux larmes. » C'était les douze petits secrets ou faits que vous ne connaissez pas, ou maintenant que vous connaissez, sur la série Game of Thrones. Eh bien oui, il est déjà 11h25. Si, boulot, ça avance vite. Tiens, on va se faire quelques petites nouvelles ici en rafale assez rapidement. Recherché par la police, une jeune pyromane a depuis été arrêtée. Vous allez voir, mercredi après-midi à Jérusalem, en Israël, une jeune femme a volontairement mis le feu à une pompe à essence après qu'un client ait refusé de lui donner une cigarette. Sur les images tournées par la caméra de surveillance, on peut voir l'incendiaire s'approcher d'un homme en train de faire le plein, lui demander quelque chose puis revenir avec un briquet pour se venger. OK. Donc, elle était recherchée par la police et la jeune pyromane a depuis été arrêtée. Bonne nouvelle. Ici, des gens vivent à la maison avec un lama. Nathalie et François, un couple d'éleveurs de chevaux, installés dans le Coudray Macouar, près de Saumur, vit avec un lama à la maison. Rejetée par sa mère à la naissance, Indira a été nourrie au biberon. Depuis, elle n'a jamais quitté sa maman adoptive. Salon, cuisine, chambre, le lama partage le quotidien du couple et regarde même la télé. Interviewé par la chaîne de télé Anger 7, le couple explique que l'animal n'a jamais rien cassé dans la maison. Nathalie et François espèrent pouvoir cohabiter avec lui le plus longtemps possible. Le risque avec les lamas, c'est qu'en grandissant, ils peuvent devenir agressifs. Mais pour le moment, aucune crainte. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Tantôt aussi, la fille qui met le feu à la pompe. Puis allez voir la vidéo. J'avais juste oublié de vous le dire. Voir évoluer un lama en pleine maison. Sinon, ici, je vous parle d'un incroyable geste d'un homme qui a décidé de changer le quotidien d'un SDF. Donc, une histoire comme on aimerait en lire un peu plus souvent. Tous les jours, Elvis Summer, un habitant de Los Angeles, avait pour habitude de croiser Smokey, qui est un sans-abri âgé d'une soixantaine d'années. La pauvre dame qui dormait à quelques... Ah, c'est une sans-abri. Donc, la pauvre dame qui dormait à quelques mètres de sa maison venait régulièrement lui demander des restes à manger ou encore des déchets recyclables. Au fil du temps, ils se sont liés d'amitié et Elvis s'est mis en tête de lui offrir bien plus. Après avoir élaboré un plan, l'homme au grand cœur a entamé la fabrication d'une petite maison roulette pour que Smokey ne dorme plus jamais dehors. Il a vraiment littéralement fait une genre de petite remise en bois. C'est bien conçu. L'isolation, fenêtres, portes, serrures. Elvis a pensé à tout. Au total, il lui aura fallu 5 jours de travail et environ 500$ en matériaux pour mettre ce projet sur pied. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis 10 ans, Smokey, la SDF, a enfin un endroit où dormir, à l'abri, en toute sécurité. J'espère juste qu'elle ne se fasse pas écœurer avec ça. Il a fait ça sur roulette. Elle peut transporter sa maison. C'est vraiment génial. Bien conscient que ces petites maisons sur roulette peuvent changer le quotidien des SDF, Elvis a décidé de lancer son projet à grande échelle. Pour ce faire, il a créé une cagnotte sur le site GoFundMe. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez également soutenir Elvis en likant sa page Facebook. Il espère qu'avec les dons des internautes, il pourra construire plein d'autres petites maisons. L'idée est magnifique. Un peu de solidarité, c'est parfait. Et puis, on va s'en faire une dernière qui est beaucoup moins intéressante du côté humain. Je vous dirais même qui est atroce du côté humain, surtout quand on donne le pouvoir à des gens et qui en profitent. Ce sont des soldats français qui seraient accusés d'avoir violé des enfants en Centrafrique. Pour tout de suite, on va supposer, tout n'a pas été confirmé, mais quand même, je vous envoie l'histoire. Les faits se seraient déroulés dans les camps déplacés de Mpoko, près de l'aéroport de Bangui, entre décembre 2013 et juin 2014. Donc, au total, une dizaine d'enfants centrafricains auraient été violés par des soldats français en échange d'argent ou de nourriture. Les témoignages des victimes ont été recueillis par un agent de l'ONU assisté du personnel de l'UNICEF. Tous ces témoignages ont ensuite été consignés dans un rapport confidentiel. Parmi les victimes, un garçon de 9 ans raconte avoir été agressé sexuellement par 2 soldats alors qu'il était à un checkpoint dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Les victimes, très choquées, ont néanmoins pu donner des descriptions précises de certains violeurs. Donner des descriptions précises. Rédigé au courant de l'été 2014, le rapport est très longtemps resté secret. C'est Adder Compass, un cadre déçu par l'inaction des Nations Unies, qui a fini par saisir les autorités françaises de son propre chef. L'homme a depuis été suspendu de ses fonctions, fait l'objet maintenant d'une enquête de l'ONU. On lui reproche d'avoir diffusé le rapport, ce qui pourrait lui valoir un licenciement. Dire la vérité, c'est très grave dans ce temps-là quand on veut protéger des soldats. Le ministre de la Défense français a ouvert une enquête interne et promet de faire toute la lumière sur ça. Plus d'informations via un lien là, sur la page Facebook du Netcon. Il est là sur le site du Figaro. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Savourons nos derniers moments ensemble en mangeant et en buvant. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Oh non! Ceci est une grosse pointe d'allresse. Non, ce sera pas des hosties du vin. Ben, le vin peut-être. C'est bon, des hosties. Payés. On a un hostie ici. Ah ben, tabarnouche. On lance les hostilités déjà. Là. Elle est vraiment bonne. Merci beaucoup. C'est une grosse pointe d'adresse, la collègue dans laquelle on se rend dans un commerce, un magasin, un dépanneur, peu importe, et on achète quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qu'on sait très bien qu'on devrait pas l'acheter. T'sais, c'est de la bouffe, de la malbouffe. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Comprends-tu? Genre la caissière. Drôle. C'est drôle. Moi, je mangerais pas n'importe quelle caissière. J'ai-tu vraiment c'est dit sans nom? Ouais, c'est non, je comprends ça, je comprends. Je prends juste la marque Sélection. Marc, okay. On dirait le nom de quelqu'un, genre. Je présente Marc Sélection. Ah, oh, ben oui, Marc. Marc Sélection. Vraiment, Justine? Ben, Marc. Prends juste Marc Sélection. Tu m'étonnes. Bon. Oh, je te pensais pas de même. Ben, oui. Donc, aujourd'hui, on va goûter à quelque chose qui, je crois, est bu, parce que... OK, on commence par moi? Non, je sais pas, je vais vous le demander. Donc, on a quelque chose de bu, parce qu'on a sorti les verres, et on a quelque chose de mangé, mais très dessert sucré. Donc, par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Moi, je dirais avec le bu, parce qu'on va tout en avoir un verre. Si c'est bon, on va pouvoir continuer à siroter. OK. Puis si c'est mauvais, on va avoir d'autres choses pour... camoufler génial. Le goût. Mais admettons que le mangeage est pas bon. Non, il y a moins de chance. OK, c'est bon. Donc, parce on commence par? Par moi. Par toi. Parce que je dois avouer, si j'ai pris ça, c'est parce que je savais que toi, Mathieu, tu avais autre chose à nous proposer. Oui. Parce que c'est quand même quelque chose de bizarre. OK. C'est quelque chose que je croise à l'épicerie semaine après semaine et je suis toujours de plus en plus intriguée par ce produit. Et là, je me suis dit, c'est la dernière, on en profite, on goûte à ça. Et je vais essayer d'aller chercher ça. Oui, ça se boit. Et c'est une boisson gazeuse aux arômes naturels de tamarin. Hey. OK? Hey. C'est même pas dans les frigidaires. Ça, là, c'est sur la tablette, dans le bas, à terre, avec les produits mexicains. Ah ouais? Est-ce que tu l'as fait refroidir depuis ou? Oui. Okay. Donc, c'est vraiment fabriqué au Mexique. Et la marque, c'est Garitos. Garitos. Puis il y a comme trois espèces de pichets verts et oranges dessus. Probablement pour contenir les boissons gazeuses. Donc, ça dit que c'est consigné en Alberta pour 10 cents. Moi, je suis frustrée parce qu'ici, c'est 5 cents. C'est et ça dit 100% sucre naturel. Je pense que moi, ça marche les consignes. Je pense qu'il faut que tu le payes dès le départ. Fait que sûrement, t'es plus content que ce soit 5 cents, non? Non, parce que j'ai payé 10 cents. Ah. Fait que on se fait avoir de 500. Eh ben. Donc il y a 170 calories dans une bouteille, puis vraiment trop de sucre, genre 44 grammes. Ah, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Ben non, mais il fallait que je te prouve que c'était pas bon pour la santé. Ah, t'es good. Ah, yes. Parle-moi plus de sucre encore. Donc sinon dans les ingrédients, on a quand même l'eau gazeuse en premier. Ensuite, sucre naturel, acide citrique, arôme naturel, colorant au caramel, benzoate de sodium et du rouge allura. Rouge allura. Il est où le... C'est une boisson à quoi, donc? C'est une boisson gazeuse au tamarin. Il est où le tamarin là-dedans? Ben, il n'y en a pas. C'est des arômes naturels, du colorant caramel. OK. À saveur de tamarin. Et si jamais vous voulez aller voir les autres saveurs, parce qu'il y en avait d'autres aussi. Il était pas là quand moi je suis allée, mais c'est pas grave, c'est celui au tamarin que je voulais. Papa le tamarin. Vous pouvez aller au www.jarritos.com Et ça, c'est distribué, fait à El Paso. Oh, El Paso. C'est vraiment full mexicain pour vrai, là. Moi, je suis tout énervé. Ouais, ça a l'air. C'est une moustache dessus. Un sombrero. Non, c'est vrai que c'est dommage. Il va t'en pousser une. Il va t'en pousser une. Mais dans le fabriqué au Mexique, le petit logo Made in Mexico, c'est une espèce de tête de faucon. Ah, c'est un peu américain, ça. Un faucon. Non, pas un aigle. Ah, pas un aigle, t'as raison. Un faucon. Excuse-moi, je mélange tout, là, c'est comme le baseball. Toi, t'en es un vrai. Drôle. Vraiment drôle, là. Donc, moi, je me suis dit... Oh, hey, sur le bouchon, c'est écrit « Que bueno son ». Que bon, le soleil, est bon, ça... Que bueno son. Qui sont bons. Qui sont bons. Donc, je suis sûr que ça se dévisse pas, je suis sûr. De toute façon, on attend de le dévisser dans le micro magique, au pire. Mais je suis sûr que ça se dévisse pas. Okay. De toute façon, j'ai amené mon Power des Bouches Trudeau. Power des Bouches, j'aime ça. On écoute donc... Je fais ça très, très loin, mais près du micro magique. Allez tous, ta main, là! Hey boy! Ça va très, très, très bien. La bouteille, en tout cas, on peut dire qu'elle est ouverte. La bouteille est ouverte. Mais oui, il n'y a plus de bout. Oh my God. J'ai sabré la bouteille. Sombrero. Ça sent. Oh my God. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent bizarre. Donc, je vais en verser. T'as mariné ça? Droit. Est-ce que je rechante, Popeye le tamarin? Popeye le tamarin. T'as-tu chanté ça? Ouais, tantôt. Merci. Ah! Ah, oh, ça sent. Mais non, ça pue pas! Non, mais ça a une vague odeur d'hôpital. C'est vrai. Oh! Mais c'est vrai, ça sent. L'hôpital! Ils te font boire à l'hôpital quand ils te font un lavement. Ah, oh, ouais! mais ça sent. Les foufounes! C'est drôle, je sais pas si on a pas le même odorat, mais je sens absolument rien, je sens juste le carton du verre. Ah, ben le carton prend toute la place, t'es chanceux! Hey, on pourrait pas faire une dégustation de vin là-dedans, dans ces verres-là, en carton? Non, sûrement pas, mais le carton est très intense, c'est du carton super recyclable. Oh mon Dieu, que ça sent ça. Bon. Ça sent l'hôpital. Est-ce qu'on goûte? Ben oui, on goûte. Un, deux, trois, goûte. Santé! Ah, mais c'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Mais qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte rien que je connais, en ça goûte pas le tamarin, de ce que je connais du tamarin. J'ai jamais goûté au tamarin, donc je pourrais pas te dire, mais il me semble que j'aime la saveur quand même, non? C'est fruité, quand même. Ça goûte le jus de raisin, bien acide, ah ouais, aux dattes. Pêche un peu. Mais moi, c'est ça qui m'étonne, avec toute la quantité de sucre qu'il y a dedans, c'est pas si sucré au goût, je trouve. Non, les bulles sortent bien aussi. Il y a une petite amertume dedans, là. Ouais. Aromatique et rond, sa robe est orange. Ça fait... Caramel. On dirait un petit drink citronné un peu, tu sais, qu'on te ferait un petit drink de trois différentes boissons, il me semble que ça goûterait ça. Ouais, genre moi, je mettrais de l'alcool là-dedans. Ouais, ben clairement. Ah ben, sors ça, go. Go? T'as pas ça dans ta sacoche? Ben, j'en ai dans le labo. Éthanol 95%. Ah, parfait! Mets-nous de l'éthanol là-dedans. Ah, c'est pas sérieusement, là, je m'attendais à mourir. À date, ça va. Super. À date, on n'a aucun décès à notre actif dans une grosse boîte en dress. Non, on est bon quand même. Ça va très bien. Mais ça a déjà failli avec le kombucha. Ah boy, que c'était mauvais ça. Mais j'avoue que les petites bulles très très minces et fines... C'est vrai, c'est micro-gazéifié. Ça ressemble un petit peu à ça. Pareil, ce que tu nous amènes aujourd'hui à du kombucha un peu, là, je trouve. Mais bon. Ah ouais? Un peu. Pas plus que ça. Donc moi, de mon côté, ce que je vous ai amené... C'est quelque chose que vous avez peut-être vu en épicerie ou en dépanneur récemment. Par contre, vous avez trouvé que ça coûtait vraiment beaucoup trop cher et vous l'avez pas acheté. Moi, c'était mon cas. Jusqu'à ce moment-là, ça coûte comme au-dessus de 5$. Pour ce que c'est pas grand-chose. Okay. C'est des Rolled Gold bouchées croquantes au bretzel et arrachées d'enrobées de fudge. Ça a l'air bon. On dirait des mini pommes au four avec du stuff dedans, genre des pacanes. Des amuse-bouches. Qu'on appelle. Donc, Rolled Gold, vous connaissez les bretzels Rolled Gold, bien sûr, c'est un classique. Tout le monde connaît ça, mais ils ont des produits alternatifs qui utilisent aussi le bretzel et des bouchées croquantes. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon. Il n'y a absolument rien à dire sur l'emballage. On vous montre l'apparence de tout ça. Ça fait un produit très très luxueux. Là. C'est pas pour rien qu'ils vendent en haut de 5$ pour une très très petite pochette. C'est vrai. De chocolat et tout ça. Combien de grammes? Combien de grammes? 135. C'est par la compagnie Frito-Lay. Donc, parmi les ingrédients, bon, ça commence par de la farine de blé enrichie, ensuite sucre arraché, de riz croquant, ensuite de l'huile de palmiste modifiée, même pas palmiste. T'as du sirop de maïs, c'est sirop de tapioca, cacao, lait entier et un paquet d'autres affaires, contient des ingrédients du blé, de l'arachide, du lait, du soja et de l'orge. Il peut contenir des noix. Donc, il y a vraiment tout ce qui est potentiellement allergique. Là. Quelqu'un qui a une allergie quelconque, c'est pas mal vous qui n'êtes pas visé par ce produit-là. Ben, il n'y a pas de crevettes. Il n'y en a fait pas de crevettes, ça arrive bizarre. Il peut contenir un soupçon de crevettes juste pour être sûr que tout le monde soit atteint par les allergies. Ça me fait penser quand tu vas magasiner dans de la bouffe d'indépendant dans le quartier chinois, là. Faut pas que tu sois allergique à rien, hein, ah ouais. Parce que c'est tout écrit en chinois, puis on dirait qu'il y a des crevettes partout. Là. C'est écrit en crevettes, quand même. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce produit, vous pouvez vous les appeler sans frais. Ben, on fait ça en ondes. Ouais, on pourrait les faire, donc on va goûter. Drôle. On va goûter avant. C'est bon jusqu'au 25 août, on est correct, c'est garanti frais. Regarde. Bon. Je te lance ça, non, je vais te le donner. Ouais, non. Ça a l'air pesant quand même un peu le chocolat. Ben oui, mais je vous l'ai dit, l'or, c'est très dense. C'est du l'or roulé, de ce que j'ai compris, rolled gold. C'est ça, c'est la ruée vers l'or roulé. On écoute ça? Hey, on devrait en cacher. À quelque part. Oh, ça, c'était beau. C'était séduisant. Oh, c'était beau. C'est rare que je sois capable d'ouvrir un sac aussi bien que ça. C'est ça, d'habitude, ça ouvre tout proche. Une vraie pub. Faut que tu le fasses des deux bords, d'habitude, l'ouvrir. Les bords. Une vraie pub. Oh, c'est beau! Est-ce qu'ils sont emballés? Non, c'est tout freestyle dans le sac. Ah, ok. Oh, crème, c'est gros. On rappelle que c'est des bouchées croquantes de rolled gold. Ça sent le beurre de peanut. Ben, c'est ça, c'est supposé être aux arachides enrobés de fudge. Pour vrai, moi, ils m'ont mis tout ce que je pouvais vouloir là-dedans. Il y en a d'en rester comme deux en tout. Il y en a combien, pour vrai? Il doit pas en avoir bien. Je sais pas. Vide-le, compte-le. Il y en a quand même, je dirais, une bonne... bon 135 grammes. 15 ans, peut-être? 15-20 ans? Je pourrais pas te dire. En tout cas, je vais en prendre une aussi. C'est quand même petit comparé à ce que le sac laissait voir. C'est un petit peu plus petit oui, que la vraie grandeur. C'est agrandi. Ah, oui. Pour, c'est à peine agrandi. Là. Ça a moins l'air d'une pomme. Hein? C'est pas arrondi en dessous. C'est très, très non, plat. Non, ben, c'est qu'en bas, eux mettaient un bol, on dirait, de chocolat complet. Là. De tous les côtés, il y avait du chocolat qui dépassait. Moi, c'est à peu près ça. Mais toi, ça a l'air comme juste une plaquette de chocolat en dessous. Genre. Ben, c'est le fun que tu montes ça à la radio, c'est à peu près ça. Non, mais c'est pour le... ben, l'épaisseur de chocolat... J'ai pas dit c'est à peu près ça, je l'ai expliqué en mots, c'est... L'épaisseur dépend de chacune des bouchées. Je vais vraiment expliquer en mots. Donc, on le met dans la bouche. Go! Go! Go! Très croquant, hein. Croquant. Ouais. Très, très riz aussi, non? Un petit peu riz crunch, genre. Beaucoup de riz. Ouais. Pas comme une crunch, mais en bouchée. Le beurre de peanut n'est pas super là, à date. Je trouve que ça goûte beaucoup les peanuts. Mmh. Je trouve que ça goûte les bortons. Ouais. Ça goûte les bortons. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Absolument rien. Repassez-vous-en. Hey, ça goûte les bortons à 3 piastres pour 8. Ça, c'est genre 135 grammes pour au-dessus de 5$. Ça goûte même pas les bretzels. Non. Genre, c'est pas assez salé, là. C'est croquant, mais... C'est vrai que c'est pas assez salé. C'est pas un croquant satisfaisant, je trouve. Uh-uh. C'est bon! Ouais, ouais. Mm-hmm. Ben correct. Ouais. Pour une barre tarte. Ouais. Au chocolat. Mm. Au peanut. Pas pour 5$. Non. Un petit peu de tamarin pour caler ça? J'ai l'impression que tous les petits bouts de bretzels qui sont tombés en morceaux dans le fond de l'usine, excellent. Ils les ont balayés, ils les ont mis en morceaux. Poussière et tout, ils ont tous vraiment ramassé ça. Ouais, mais c'est ça ce qu'ils font avec les party mix, là. Les party mix qu'on retrouve genre des bouts de d'orthose, de ringolo puis de plein d'affaires là. Ils balayent une fois par mois. Des bouts d'orteils. Ah, des bouts d'orthose. Ah, d'orthose, c'est bon, c'était tiré par les poils de pied, ça. bon, ben moi je suis. Ça reste bon là, moi tu sais, j'en mange. Oui. Ouais, mais pas pour 5 piastres. Mais j'en rachèterais pas pour un article aussi de luxueux que ça. Non, c'est bon. Mais c'est bon. C'est un correct sur les deux, je pense. Et le tamarin et le rolled gold. Comme toujours, à la fin d'une grosse pointe en dresse, on se fait quelques petites nouvelles de fast-food. Il y a un entrepreneur qui dit que Heinz a copié son idée pour les paquets de ketchup Dip and Squeeze. Avez-vous entendu parler des Dip and Squeeze pour les ketchup? C'est différent d'habitude. C'est pas des... t'as peut-être vu dans des restaurants, bon, les petites pochettes de ketchup que tu faisais juste ouvrir, tu squirt, puis ça va. Et ils ont inventé depuis quelques années les enveloppes plus larges avec deux ou trois équivalents de sachets de ketchup dedans. Comme ça, t'en as plus d'un coup. Mais là, on évolue encore plus. Le Dip and Squeeze, c'est un petit emballage de plastique pas trop épais avec un côté qu'on peut peler. Et donc, levez ça pour prendre votre ketchup avec des frites dans le contenant sur la table. Ou, de l'autre côté, tu as les deux options. Tu peux aussi déchirer le dessus pour le squirter comme une bouteille de ketchup. C'est un peu difficile visuellement à expliquer, mais c'est en forme de bouteille de ketchup assez plate. Et tu peux soit lever le côté pour le peler et tremper, ou de déchirer le dessus pour pouvoir squirter. Tu as les deux choix. C'est bon, ça? Donc, bref, tout ça pour dire que cet homme du Michigan... un entrepreneur qui pense que Heinz l'a copié dans son idée. Il dit qu'il avait breveté le Little Dipper, c'est un paquet de condiments, donc en 1997, selon Associated Press, et que Heinz a volé son idée, a changé ça en Deep and Squeeze, qui a débuté en février 2010. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, et je peux pas croire qu'on n'a pas encore ça au Québec, les Deep and Squeeze, c'est fantastique comme idée. Le procès a débuté récemment dans une cour fédérale de Pittsburgh, et ça devrait durer, ça devait durer le courant de la semaine. On n'a évidemment pas encore la décision qui a été prise. Donc, on va devoir décider si Heinz a utilisé l'idée concrète, nouvelle, de ce monsieur-là du Michigan par rapport à tout ça. On n'a pas encore le restant de l'histoire, mais si on l'a un jour, on vous en reparlera. L'entrepreneur a envoyé une lettre en mars 2008 au CEO, le Chief Executive Officer de Heinz, William Johnson, et a rencontré les gens chez Heinz quelques mois plus tard. Donc, c'est sûr qu'il était au courant de l'idée parce qu'il a physiquement rencontré les gens de chez Heinz pour leur parler de son idée pour peut-être pouvoir travailler ensemble. Finalement. Heinz, d'ailleurs, ne nie pas que la réunion a eu lieu, mais dit que la discussion n'avait rien à voir avec le Dip and Squeeze. J'ai de grands doutes là-dessus. Ensuite, une grand-mère pourrait être accusée d'avoir empoisonné sa famille avec du cacao, du chocolat chaud expiré des années 80. Hein? Oui. Une grand-mère italienne s'est accidentellement empoisonnée elle-même, ses deux petits-enfants et un ami après avoir fait du chocolat chaud expiré en 1990. Donc c'est du chocolat chaud qui datait des années 80. Selon les reportages autour de ce sujet-là, c'est la grand-mère de 77 ans qui a sorti son chocolat chaud de son armoire et en a fait pour tout le monde. Ça n'a pas pris trop de temps avant qu'on commence à se sentir mal dans la pièce. On les a amenés à la salle d'urgence et finalement c'était un empoisonnement basé sur ce chocolat chaud très très très très vieux. Donc souvenez-vous de regarder vos étiquettes sur ce que vous achetez et peut-être à un moment donné faire une rotation. Là, si t'achètes du nouveau chocolat chaud, tu jettes l'ancien, etc. etc. T'sais. Mais je trouve ça bizarre que il était mauvais au point de t'empoisonner, mais qu'il n'y ait pas d'odeur particulière. Ouais. Peut-être une famille de gens qui ont un mauvais odorat comme moi qui n'étaient pas capable de sentir le tamarin tantôt. Peut-être, mais je sentais très bien le carton, en fait. Mon odorat il est juste sélectif dans ce qui sent. Ensuite, McDonald's qui va changer la recette de son poulet grillé. Ils vont passer de 18 ingrédients à 12 ingrédients. Donc, encore un changement au menu cette fois-ci. Déjà, je trouve ça louche qu'il y en ait 12. C'est ça. Donc, qui va simplifier sa recette de poulet en enlevant les ingrédients qui sonnent chimiques que les consommateurs pourraient ne pas reconnaître. L'Associated Press nous dit que le géant du fast-food va couper 6 ingrédients de sa recette de poulet grillé. Présentement, on demande 18 ingrédients. Parmi les changements, le nouveau Artisan Grilled Chicken, utilisé dans ses sandwichs, salades et wraps, ne contiendra plus de phosphate de sodium et de maltodextrine. Justine. Ça se dit, ça, si tu l'as bien dit? Bah oui, c'est très c'est bien. C'est quoi dit. Du maltodextrine, Justine? Ouais. Mettons, là. Malto. Mande ça sur Facebook! Sérieusement. Je pense que c'est comme. Ça, on le retrouve dans le blé féculent, des trucs de même. C'est un polysaccharide, c'est un additif alimentaire. Polysaccharide, donc c'est du sucre? C'est pour épaissir. Okay. Je pense. En fait, ça nous dit que le phosphate de sodium est présentement utilisé pour que le poulet reste moist, donc humide, humecté, pendant la congélation et pendant l'envoi aux succursales, alors que les maltodextrines sont utilisées comme sucre pour augmenter le brunissage de la viande et pour distribuer de façon plus équitable les assaisonnements. C'est pour ils l'utilisent juste comme sucre pour que ça soit plus brun. Voilà, exact. D'accord, parce que c'est ça, ça se retrouve dans toutes les nourritures qui sont féculents. Puis c'est ça, mais ça peut être une consternation pour ceux qui sont qui ont des intolérances ou des allergies au gluten, apparemment. Ah, d'accord. Mais ça fait partie des choses qui sont comme qui font en sorte qu'on est comme un peu ballonné puis qu'on a des gaz. On digère mal ça. Ah ouais. Ben oui, parce que il y a des en fait ça a rapport avec le gluten puis la mode du gluten. Là. On se rend compte que c'est peut-être pas le gluten le problème pour la majorité des gens. Ça se peut que ça soit d'autres affaires, genre ces polysaccharides là qui pourraient être digérés au niveau du gros intestin puis du petit intestin par des micro-organismes qui feraient des gaz à partir de ça. Puis c'est pour qu'on sentirait pas mal, qu'on sentirait mal, pas à cause nécessairement de du gluten. Bref, si vous êtes sensible aux intestins, eux autres sont en train... Oui, c'est quand même une bonne nouvelle. D'accord. Ouais. Donc, le directeur de l'innovation culinaire chez McDonald's, oui, il y a ça, dit à l'Associated Press que la recette va changer parce que les clients, la clientèle cherchait des ingrédients simples à comprendre. Donc, c'est vraiment pas juste parce que c'est mauvais pour toi, c'est vraiment parce que les gens veulent, lorsqu'ils lisent les ingrédients, lire des choses qu'ils comprennent. Absolument. Un peu comme les pizzas McCain, les ingrédients faciles à prononcer. C'est pas parce que c'est facile à prononcer que c'est bon. Non, c'est sûr. Bref, allez voir l'article pour beaucoup plus de détails sur assemblagerequis.com. Cocaïne, c'est facile à prononcer. C'est vrai. McDonald's, on reste avec McDonald's qui va introduire le service aux tables en Allemagne pour une raison qu'on ignore. Donc, vous visitez un grand restaurant à l'aéroport à Frankfurt en Allemagne, vous prenez votre siège et on vous commande à votre serveur qui va ensuite entrer ça sur une tablette et prendre votre paiement. Et ensuite, la nourriture arrive et c'est des Big Mac et des frites. C'est McDonald's qui offre le service aux tables. Hey boy. Ça fait partie d'une expérience dans un McDonald's à 500 sièges à l'aéroport de Frankfurt en Allemagne. Donc, c'est ça, une expérience qui va amener la nourriture directement aux gens. À la place d'amener les gens à la nourriture, ils vont pouvoir placer leur commande dans un kiosque et puis ensuite s'asseoir et attendre leur nourriture. Est-ce que ça va arriver en Amérique du Nord? Probablement un jour. Steve Easterbrook de chez McDonald's qui essaie d'attirer les gens dans la chaîne plus facilement. Je préférais qu'il fasse la livraison. C'est tout à fait vrai, ça. Ou dans le fond, c'est peut-être pas une bonne chose. Non, en fait, sûrement pas. Est-ce qu'on reste avec McDonald's? Je pense que oui. McDonald's qui va commencer à accepter l'échange de reçus de factures de Taco Bell contre un œuf McMuffin dans certaines succursales. Si vous êtes le genre de personne qui veut un deuxième déjeuner, vous pourriez vouloir aller dans le nord-est de la Pennsylvanie où McDonald's offre un œuf McMuffin en échange d'une facture de Taco Bell. C'est seulement bon pour une personne, une fois par jour, dans les restaurants participants, et ça a l'air limité aux endroits qui font partie du nord-est de la Pennsylvanie. Un groupe de 20 restaurateurs à McDonald's, la gamique qui avait lieu jusqu'au 17 avril, donc ça vient de se terminer, et on peut aller voir sur leur compte Twitter, McDNEPA, donc pour Northeastern Pennsylvania, McDNEPA, et c'est beaucoup trop compliqué comme acronyme. Bref, une promotion qui pourrait aller ailleurs plus tard, j'imagine, pour convaincre les gens que McDonald's est meilleur, parce que tu vas pouvoir l'avoir testé directement après avoir mangé du Taco Bell. Ouais, ben admettons que c'est moins bon. Tu t'es tiré dans le pied, mais c'est pour ça qu'ils vont peut-être, j'espère, faire le meilleur œuf McMuffin possible. Ben c'est sûr que chez Taco Bell, ils font pas d'œuf McMuffin. Il y a ça. Ils font d'autres sortes de déjeuners. Ensuite, pour terminer, McDonald's, vous avez sûrement déjà entendu parler du menu toute la journée de déjeuner. Ça a fait le tour des nouvelles insolites un petit peu partout, qu'ils allaient servir les déjeuners toute la journée. Par contre, il ne faut pas aller trop loin avec ça, parce que BurgerBusiness.com nous dit que la coop de McDonald's à San Diego, qui est ceux qui ont parti la mode de présenter les déjeuners toute la journée, vont seulement avoir 9 articles de déjeuner. Et les boissons McCafé, c'est pas tous les articles de déjeuner. Mais là, quand même 9. Ouais, mais il y en a beaucoup d'articles de déjeuner. Quand tu penses au œuf McMuffin avec bacon, œuf McMuffin avec bacon canadien dedans, McMuffin pas avec la saucisse. C'est tout le même produit, mais avec trois. Ok, eux autres, ils comptent. Oui. Oh boy. Chaque article est différent. Parce que bien sûr, ça change vraiment quelque chose pour eux autres de mettre soit du bacon, soit du jambon, du sur le menu, c'est cochon. Trois affaires. Quels donc ces articles-là qui allaient être servis avec les Big Macs et les Bec croquettes. Donc, c'est les McMuffin, œuf, saucisse avec œuf. Qui sont trois articles différents. Le sausage burrito, un burrito à la saucisse, les patates à déjeuner, les crêpes et le gruau. Voilà, et le parfait au yogourt. Qui c'est qui prend du gruau au McDo? Je me le demande. Je sais pas. Qui c'est? Mais au Normandais aussi, on peut prendre un déjeuner pendant toute la journée. Puis moi, c'était mon gros trip à minuit le soir de me prendre un déjeuner. Je te comprends, non, ça me tente de faire ça. Mais nous, on doit arrêter là sur les nouvelles fast-food. Ça termine vite, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Ah, il y avait Ben & Jerry's. Non, c'est tout. Hey! Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis. De 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.